vivre et créer en montagne en tout ce temps. Ce soir consacré, eh bien, au prochain week-end, troisième week-end culturel à Bussan et autour de Bussan. Ensuite, on reviendra un peu en arrière. On parlera donc de ce qui va se passer. On parlera aussi de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Jean Potcher, une forme sur Jean Potcher, qui a été donnée devant le presbytère, presbytère que d'ailleurs on veut sauver. Et ensuite, on reviendra un petit peu en arrière sur la saison du Théâtre du Peuple, dont on a beaucoup parlé cet été, et sur laquelle on reviendra avec des documents qui n'ont pas été diffusés. Pour l'instant, c'était les rencontres auteurs amateurs, notamment de fin juillet. Et puis, on parlera peut-être un petit peu de Lens, qui est la forme qui va reprendre bientôt, enfin, qui reprendra en direction de la Franche-Comté. J'en parlerai un petit peu avec Simon Delétang, mais on parlera aussi surtout d'une nouvelle pièce qui va se dérouler le 13 octobre. Enfin, ça, j'en parlerai même au début. Et puis, sans doute, on reviendra sur... on est toujours dans la mythologie de Bussan. On reviendra sur le château de Hans que les jolis mômes avaient donné et qu'on était allé voir à Contrexéville. Voilà. À tout de suite. Toujours avec Christophe Toussaint qui nous indique qui est l'indicateur, un bon indicateur. C'est un qui point de main jaune. Ah, vie, dans les rênes d'entour. Ça faisait bien 7 ans qu'elle ne mangeait point. À bout de 7 ans, un homme lui fallait. Ah, vie, dans les rênes d'entour. Encore à minuit, quand ça lui prendrait, ah, vie, vie. vie, vie, vie, tanner et tato. Voilà, c'était donc Christophe Toussaint. Et Christophe Toussaint, qui était là l'autre jour avec nous pour le concert baroque dont je vous ferai des échos. C'était le deuxième week-end, du septembre culturel. Le week-end d'avant, c'était Francis Cunic, qui était là aussi avec nous à Bussan. Et je vais vous parler tout de suite de ce qui va se passer ce week-end, c'est-à-dire à partir de demain, conférence de Francis Pierre sur le château de Thé. Donc c'est entièrement consacré à l'énigme du château mystérieux de Bussan, le château d'Este, ou de Thé ou Mosello, parfois dit ainsi, au XVIIIe siècle. Au XVIe siècle, c'est Thé. Ouais, et donc, on va en parler. Et on va vous dire tout ce qui va se passer. Une conférence demain soir, samedi 22, et le lendemain, une balade à 14h, sur le site présumé de ce château fameux. Et on revient avec le septembre culturel autour de Bussan, proposé par Recré. C'est Vincent qui est avec nous, bonjour. Voilà, bonjour Raphaël. Donc, avec il y a des nouveaux rendez-vous une nouvelle fois pour ce week-end, voilà, et on va parler d'un château notamment. Voilà, ce week-end, on termine notre septembre culturel de trois week-ends par le château de Thé. Chaque année, en effet, sauf un peu l'an dernier pour les 400 ans de la poudre, c'était un peu spécial, au Thio. Sinon, on fait depuis 2013, on termine toujours par une conférence et une balade de la Sésame, Francis Pierre, Société des Anciennes Mines, mais pas que les Anciennes Mines, en l'occurrence, cette fois-ci, puisqu'il va s'agir d'un château. Alors là, donc chaque année, c'est rituel, dernier week-end, et week-end après le patrimoine, et ça reste du patrimoine, et encore plus même. Alors, l'histoire du château de Mosello, c'est une vieille histoire. Moi-même, j'ai été amené à écrire la préface de l'histoire de Bussan, qui a été réédité, Histoire de Bussan de 1909. Hein. La vraie préface, c'est Maurice Potter. Moi, j'ai refait un prologue. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une question récurrente à Bussan, c'était celle du château de Thé ou Mosello, qui est soulevée par Richard en 1909 déjà. Et il posait la question en des termes... Bon, il y a plusieurs pages là-dessus. Mmh. Et moi, je me suis dit, c'est le moment d'en parler. Parce que j'ai voulu réactualiser et je me suis aperçu qu'il y avait des hypothèses différentes. Les uns me disaient, ah, le château de Thé, la tradition le situe vers les sources, au-dessus des sources. Oui. Château. D'autres disaient, par exemple, M. Morisot avait trouvé des archives, comme quoi il y avait, le Turenne s'appelait Ruine du château de Mosello. Alors, parce qu'il y a aussi le nom Mosello qui apparaît. Au début, c'est 1567, château de Thé ou d'Este, dans les cartes anciennes, dans la carte des Nodins, pas la carte des Nodins, c'est plus tard, c'est 18e, la carte de Thierry Alix, pardon, 1567, et donc, ce château apparaît et disparaît, parce que on sait que dès 1567, d'ailleurs, on a pris des pierres, Francis Pierre a trouvé des archives, enfin la Sésame a trouvé des archives montrant qu'on a pris des pierres du château pour la fonderie de Saint-Maurice. En 1620-21, le duc de Lorraine a pris des pierres aussi pour construire les bassins des sources minérales en dessous du château, enfin qui sont situés à peu près en dessous du château, mais à peu près. Alors donc, là-dessus, on est sûr que le château existait, mais en fait, c'est l'endroit était, c'est ça, enfin, ça qui pose problème. Disons que, oui, alors la question, et puis la datation, on l'a pas. Certains disent que c'était romain, dans les vieux écrits, d'autres disent que c'est médiéval. En tout cas, on n'a encore pas de datation, ni même, on n'avait pas de lieu exact. Alors bon, diverses hypothèses. Bon, moi, j'ai même participé à des sondages avec Charles Kramer, une étude de terrain avec Charles Kramer, au-dessus de l'étang Jean, près du col de Bussan, toujours, bien sûr. Bon, ma foi, là, il n'y avait pas de pierre, c'est ça le seul problème. Et, puisqu'il fallait quand même avoir des pierres. Et, bon, ceci étant, voilà, de fil en aiguille, bien, plusieurs hypothèses se sont fait jour, des interrogations, et jamais de réponse de façon certaine, et la question est toujours récurrente. Alors, il y a trois ans, Francis Pierre avait étudié le problème des mines d'or de la Casemus, là-haut, oui. On a parlé de la Casemus il y a 15 jours, et, bon, mine d'or hypothétique, mais là, le château, il est sûrement pas hypothétique, il y a tellement de cartes qui en parlent, mais simplement, on avait jusqu'ici situé, on le situait sur le versant nord du col, donc dans les coins que j'ai dit. Oui. Et lui, il est allé avec la Sésame faire des études sur le versant sud. Alors, comment ? Eh bien, il a travaillé depuis plusieurs années. Il a, avec l'équipe, avec la Sésame, moi-même j'y suis allé d'ailleurs, j'ai donné un coup de main. Donc ce château était introuvable depuis 200 ans au moins. Hein. Mais il était quand même signalé, on le signale donc, je l'ai dit, dès le XVIe siècle, mais il était déjà en ruine à ce moment-là. Il est lié au péage de T sur la route en bas, qui est signalé dès 1240, et peut-être même, il y avait de toute façon la voie romaine, probablement, qui passait au col avant, bien avant. 46 cartes ont été recensées sur qui en parlent, pour la Lorraine, l'Alsace, la France-Comté, et elles seront présentées et analysées lors de la conférence, justement, qui va avoir lieu dans le samedi soir, 22 septembre, à 20h30, à la salle des fêtes de Busson. Alors, oui, ces cartes parlent, donnent diverses appellations. Taille, Estée, Estrée, Château de Estrée, etc. Et puis, Mosello apparaît au XVIIIe siècle. Tandis si bien que certains disent, comme bon, mon ami Georges Guédot, dit il y a deux châteaux, Mosello et Estrée. Pourquoi pas ? Parce qu'en plus, il y a des légendes à Busson qui parlent de la tête des corbeaux. Et aujourd'hui, là, dans l'Écho des Vosges, est paru le château de Hans qui... Lui n'est pas à Busson, mais qui a hanté la conscience des Bussonnais. Ça fait longtemps que, puisque Maurice Potier a écrit une pièce sur le château de Hans. C'est pas là, mais ça prouve que le château, lui, il est dans la tête des gens. Alors, ces cartes présentent effectivement souvent une figuration du château. Voilà. Et en 2013, une prospection a eu lieu dans le cadre... d'une autorisation de la DRAC. La situation pressentie, c'est 150 mètres juste au-dessus du col de Busson. Une route qui est similaire un petit peu par une brèche à ce qui se présente au château de Wittgenstein, proche. C'est une position sur une barre rocheuse élevée qui donne une situation défensive acceptable. En 2014, le professeur Münchi de Strasbourg est venu faire des prospections archéométriques, des prospections magnétiques, et qui ont donné, à partir de ça, un sondage, lequel a, en 2015, suggéré, ou prouvé en tout cas, la présence d'une structure construite d'une ampleur étonnante à cette altitude. Voilà, ceci dit... c'est plausible, c'est pas certain absolument, la recherche continue. Faudra encore prospecter. Voilà. Il n'y a pas de tessons, à part quelques tessons du XVIIe siècle, mais qui ne sont pas contemporains de la construction, puisque c'est bien avant. Et tout ce qu'on sait, eh ben, c'est que cet oubli, on va essayer de le réparer en réfléchissant, en analysant. Je pense que ça intéressera beaucoup de gens beaucoup de gens ont des hypothèses sur ce château, diverses, ça sera intéressant. Je les ai évoqués tout à l'heure. Donc, je répète, nous avons ce rendez-vous à 20h30 avec Francis Pierre et, je pense, Dominique Eckenbener qui l'accompagne souvent dans les recherches. Je peux aussi nommer Raphaël Parmentier, Emmanuel Grand-Girard, qui sont des membres de la Sésame, qui aussi ont prospecté sur le site. Voilà. Et... La conférence, c'est donc à la salle des fêtes de Busson. À 20h30. Et le lendemain, il y a une balade sur le site. Alors là, on part rendez-vous au parking de la source de la Moselle, près du col. Donc là, on partira à pied par ce chemin qui monte à l'endroit présumé qui est vers 850 mètres à peu près. D'accord. On va pouvoir se rendre compte de ce que pouvait être le château. Alors, Francis Pierre expliquera c'est ce qu'il en pense. Et il y a 1,5 km de marche, c'est pas énorme, mais je préviens, il y a 300 mètres très fort dénivelé à prendre très doucement. Alors voilà, je donne rendez-vous donc aux gens. S'il n'y a pas d'inscription, tout est gratuit, mais on peut éventuellement... Pour la marche, là, ce sera à 14h. Hein. 14h, voilà. Voilà Tout simplement, ce que je peux donner un numéro de téléphone si on veut renseignements. Oui, on peut toujours contacter Recré. Oui, Recré. Alors, je redonne le numéro de téléphone 06, comme les Alpes-Maritimes, je l'ai déjà dit, 83, comme le Var, 17, comme la Charente, 66, comme les Pyrénées-Orientales, 36, comme l'Indre, voilà. Voilà. Et des rendez-vous gratuits, bien sûr. Ah, mais c'est rendez-vous, c'est gratuit. Et c'est voilà, on conclut ainsi notre mois de septembre culturel qui rebondit ainsi sur toute l'actualité culturelle de la région. Merci Vincent. Merci. Et merci Raphaël, parce que c'était lui qui m'interrogeait sur Radio des Ballons. Il faut savoir en effet que les radios, au moins les trois radios locales les plus proches, Radio des Ballons, RGM bien sûr, et Résonance FM à la Bresse, se coordonnent souvent, se passent des émissions comme là, et bien sûr c'est quand même pratique, ça évite de courir à la Bresse, de rester au tuyau quand je n'ai pas à venir à Remiremont, à Saint-Étienne, et puis voilà, et puis ça diffuse comme ça. On avait d'ailleurs fait une coordination avec toutes les radios libres des Vosges pour les actions slam qu'on a faites avec Lou, avec Michael Nijlen, avec Stéphane Elie, elle aide aussi de Marion, Marcus, Dominique, etc. Donc on avait fait une action très très très poussée et ça fait 5 émissions. Plus un lien, le lien, je ne peux pas vous le donner comme ça, là, c'est difficile, mais il y a un lien sur lequel les émissions slam ont donné en fait une sélection. On a sélectionné les meilleurs selon nous, par un jury, on a sélectionné les meilleurs des slams qui ont été lus, écrits, pendant le printemps des poètes et jusqu'au mois d'avril, mais bon voilà, c'était surtout d'ailleurs extérieur à la région, avec des slams de Contrexéville, collège, de Bruyère, lycée, et puis des adultes qui se sont greffés là-dessus. Voilà, alors je reviens au château de Thé. Bon là j'étais dans le format Radio des Ballons, qui est de 9 minutes. Mon format est bien sûr plus étendu. Alors je vais compléter un petit peu ce que j'ai dit sur l'antenne commune. Alors, effectivement, je reprends ce que Francis Pierre veut dire. Alors d'abord, avant de parler de Francis Pierre, il faut parler de tout ce qui a été dit avant. Avant, bien, on pensait, notamment en 1909, a été édité un livre, L'histoire de Busson, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de post-préfacer après Maurice Potser, lui. Donc, ce livre de Richard, réédité récemment, à un prix qui n'est pas très facile, 45 euros, prix associatif, 49 prix courant. Bon, mais enfin, c'est une réédition par le livre d'histoire. Et il parle beaucoup de ce château avec les diverses hypothèses, déjà en 1909, et en fait depuis tout le 19e siècle, château signalé à partir de 1567 dans de nombreuses cartes. On a parlé de 46, hein, voilà, c'est ça. Et mais pas trouvable. Alors, j'ai parlé de la destruction de ce château assez tôt, hein, dès le XVIIe siècle apparemment, et même avant, dès la fin du XVIe, on commençait à prendre des pierres. Alors, pas plus tôt qu'on parlait de ce château, qui était peut-être bien plus vieux. Certains disent qu'il était romain, d'autres disent que il était médiéval. Enfin, un château, on ne sait pas, on n'a pas encore d'éléments précis de datation, et même la localisation a toujours posé problème. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. Alors, je vais commencer par l'hypothèse Busnette, locale, de l'ami Georges Guédot, notamment, mais qui reprend la tradition locale. Il dit, voilà, quand j'étais jeune, on allait au château. Et le château, c'est en dessous du viaduc, du grand viaduc du Cessna, c'était les coins-là. Bon, ça a été bouleversé par l'usine de thé, bien sûr, et on risque plus de trouver grand-chose. Il y a l'étang des Sources à côté. C'est par là que situe, que Georges Guédot situe le château. Bon, après, d'autres ont parlé du Charat. Juste de l'autre côté, avec une hauteur au-dessus, sur la rive, sur l'autre côté de la rive de la Moselle, mais toujours dominant les bâtiments des Sources qui subsistent encore un peu. Donc, la supposition vers là est toujours sur le versant nord du col. Après, d'autres hypothèses se sont fait jour. Alors, il y a des éléments qui ne sont pas des hypothèses. C'est Jean-Aimé Morisot qui, pour 1802, a trouvé mention pour une auberge, qui est l'auberge du Turenne. Alors, est-ce que Turenne est vraiment passé? C'est encore une autre question. Mais, en tout cas, il y a une auberge, et là, elle est qualifiée de masure dite Château de Mosello en 1802, sans doute qu'elle a été reconstruite après, et ruine du château de Mosello. Alors là, on parle de Mosello ou d'Este aussi. Bon, les deux appellations sont parallèles. Parfois, on parle de Mosello au XVIIIe siècle, parfois et avant d'Este, ou Thé, ou Taille, voilà. Alors, certains disent, comme Georges Guédot, mais il y avait deux châteaux. Et c'est pourquoi pas, en fait, il y a plusieurs localisations possibles. Bon, évidemment, je fais allusion à une légende de Buisson, sur la tête des corbeaux, il y avait un vieux château. C'est une comptine, mais là, c'est de l'autre côté, c'est plus loin. Ben, pourquoi pas, sait-on jamais. Enfin, il n'y a pas de légende sans feu, si je peux dire. Et c'est quand même les recherches les plus... Avant Francis Pierre, les recherches archéologiques, du moins de prospection archéologique, parce qu'il n'y a pas eu de fouilles, bien sûr, ont mené Charles Kramer sur la butte qui domine les tangents et qui domine de l'autre côté le col. Bon, et là, il a vu un emplacement, une plateforme propice à l'établissement de châteaux, avec même des traces d'implantation dans le sol, mais apparemment tout en bois, ce qui signifierait que on aurait affaire peut-être là à une autre construction, à une autre époque. Certains ont dit même peut-être époque proto-historique, c'est-à-dire c'est avant les Romains. Qui sait? En tout cas, on a regardé avec un groupe vers 2001, on est allé aider sur le Kramer, on a un petit peu, on va dire, vu ce qu'il y avait dessous. Et, enfin, du moins en restant en surface, parce qu'il n'y a pas de fouille, je le répète. Et on a regardé la topographie des lieux. Et Charles Kramer a fait une étude qui suivait une autre série d'études sur les châtelets, qui a été publié dans le pays de Remiremont. Et tous les châtelets de la vallée, ancien château, lui, sa thèse, donc c'était que vers le XIIe siècle, pas mal de châteaux en bois se sont établis, châtelet de rue, châtelet de Ferdru, châtelet de la Bresse, etc. Et tous les lieux du châtelet, pour lui désignerait, sans trace archéologique bien sûr, parce que c'était en bois, désignerait des lieux où des petits seigneurs au XIIe siècle se sont établis, puis après, vu que les Chanonnais ne leur plaisaient pas, on aurait démantelé ces châteaux, ces châtelets. Voilà, donc, ça, et ils pensent qu'il y en avait un là, effectivement. Le problème, simplement, si c'est le château d'Este, on nous dit précisément que des pierres ont été prises, et au moins à deux reprises, même plusieurs reprises, au 19e encore, pour faire notamment en 1621, les sources, le bassin des sources de la Moselle. Alors, ça veut dire que, eh bien, il y a peut-être une autre hypothèse, d'autres recherches à faire. Alors, en tout cas, lui, Francis Pierre, s'est dirigé sur le versant, contrairement aux autres chercheurs, avec la Sésame, Société des Anciennes Mines. Francis Pierre, il est surtout connu pour l'archéologie minière, mais chaque année, on fait avec lui, depuis 2013, le point archéologique sur un point ou un autre. Je donne par exemple un autre point qu'il a fait avec Dominique Eckenbener de manière magistrale il y a deux ans, Non, il y a 3 ans. C'était la, la démystification, si je peux dire, des mines d'or de Bussan, de la 15 bus. Bon, là, c'est toute l'histoire avec l'abbé Morisot, qui était peut-être... l'abbé Morisot, à ne pas confondre avec Jean-Aimé Morisot, dont je parlais tout à l'heure. Hein. L'abbé Morisot, qui était curé de Bussan, qui était un homme curieux et qui voulait faire de l'engrais avec le granit, et puis qui s'est mis dans la tête de prospecter des mines d'or là-haut. Il a fait des actions, il a lancé des actions dans toute la France à l'aide d'un vrai escroc, celui-là, Monseigneur Pilon, qui par le Rosier de Marie, je crois, c'était un journal, a eu beaucoup d'actionnaires dans le clergé de toute la France. Tant si bien que les recherches n'ont pas vraiment abouti. Bon, est-ce qu'il y avait un peu d'or et tout? Certains le pensent, et même des amis, moi, j'ai beaucoup de gens qui disent « Ouais, il y en avait de l'or ». Peut-être un petit peu, mais à moins que ce soit l'or des fous. Mais, en tout cas, l'abbé Morisot, à la fin du 19e siècle, n'a pas pu prouver une grande quantité de grands résultats, sinon peut-être des petits bouts d'or, comme ça, éventuellement. Mais pas en grande quantité, pas en quantité suffisante, et il y a eu un procès, et puis il a été condamné, et après il est mort. Voilà. Et ça, toute l'histoire a été très intéressante, mais je ne vais pas la reprendre ici. Elle était liée aussi à l'hôtel de la ville de Bussan, de la ville de Bussan, de l'église de Bussan, qui était un hôtel plaqué argent que l'abbé Morisot a donné à la ville de Bussan, enfin non, à l'église de Bussan, c'est pas la ville, c'était avant la séparation de l'église et l'État d'ailleurs. Et donc l'abbé Morisot donc a donné ce beau plaquage d'argent en disant que ça venait des mines de Bussan. En fait, ça venait d'ailleurs, mais voilà, toute une histoire. Alors, oui, je reprends. Donc, Francis Pierre et Dominique Canvener se sont attachés, et ceci depuis 2013, à des recherches sur le versant sud. Alors, les textes, effectivement, on parle dans ce coin-là du péage, de T, établi, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, vers 1240, par le duc de Lorraine. Le château protégeait donc ce péage, plus au-dessus. Et 46 cartes, donc, en parle, aussi bien des cartes alsaciennes, Lorraine, que de Franche-Comté. Alors, on l'appelle château d'Estrée, tout tenant, de Estée, de Estrée, château de Strée. Voilà. Et puis, les ruines de Mosello, le château de Taille ruiné est signalé sur une carte du 18e, et puis les ruines de Mosello. Toujours ruines, voilà. Le château est toujours, en général, figuré, et là dans le journal, non pas dans le journal, c'est pas paru, mais dans les mails que j'ai envoyés, mais on les voyait pas, et bien j'ai repris, sur Facebook en tout cas, voilà, j'ai repris la carte de 1567 de Thierry Alix, et on voit notamment un château bien figuré. Il est situé toujours en position dominante sur un relief associé à la ligne des crêtes au niveau de la limite territoriale du col de Bussan. Les cartes comtoises et alsaciennes présentent ce château comme une incursion au-delà des limites de leur territoire. Alors, en 2013, la CESAM a fait une prospection pour localiser le site. Suivant les indices dont j'ai un petit peu parlé, en partie, notamment l'existence d'un chemin entre le col et le site qui constitue le franchissement d'une barre rocheuse par une bresse importante similaire à celle qu'on voit pas loin au château de Wildenstein, qui lui a des ruines quand même plus nettes, mais on peut comparer. Et la situation en altitude aussi, 150 mètres au-dessus du col de Bussan, et on voit bien la route du col en dessous. La roche qui a été extraite de la barre rocheuse est utilisable pour façonner des moellons et construire. Géologiquement, il s'agit de tufs très résistants, bordés de gros wacks et de schistes. Le tout constituant la série volcano-sédimentaire, dite série d'Audren. La position sur la barre rocheuse la plus élevée présente une paroi verticale de 10 mètres et une situation défensive acceptable. Le site se trouve sur une plateforme interrompant la barre rocheuse sur une longueur de 30 mètres. À l'est, à l'ouest, cette barre se présente en deux arêtes parallèles en serrant de nombreux blocs de grande dimension. À la suite de cette découverte de 2013, une prospection magnétique a été réalisée, donc on l'a dit tout à l'heure, et avec un professeur de Strasbourg. L'opération de prospection magnétique s'est déroulée en 3 épisodes et a nécessité une dépollution magnétique en raison des nombreux éclats d'obus des troupes que les troupes allemandes ayant transformé la crête des Vosges en dernier rempart avant la frontière. Oui, on sait qu'en 1944, il y a eu des combats, les SS se sont accrochés là-haut sur les crêtes, aussi au Drumont. Oui, des combats et des fusillades. Par exemple, Jean-Paul Sac qui a été fusillé, un jeune résistant, et des bagarres importantes. Bon, donc il y en avait des restes. À partir des résultats magnétiques montrant des anomalies, un sondage a été effectué en 2015. Il ressort de ces données que la présence d'une structure construite d'ampleur étonnante à cette altitude est plausible. Cependant, les éléments recueillis, nous dit Francis Pierre, ne permettent pas d'en préciser ni la destination, ni l'évolution, ni la datation. En effet, aucun mobilier contemporain de l'occupation n'a été trouvé, à l'exclusion de tessons du XVIIe siècle, datant une phase de récupération des matériaux. Voilà, donc pas forcément en tout cas lié à la période même de la grandeur du château, puisqu'il était déjà en ruine au XVIIe siècle. La raison principale de ce résultat réside dans le fait que le sondage a surtout révélé la récupération en profondeur des matériaux de parement des murs. Les raisons de l'oubli, eh bien, la localisation en montagne dans un secteur peu fréquenté, en limite départementale, l'éloignement du village, l'altitude et le relief accentué ont joué un rôle dans l'effacement du site des mémoires. Mais le facteur essentiel réside dans un processus commun à beaucoup de châteaux, la récupération pratiquement totale des pierres de construction, officiellement ou non par différents acteurs. La première mention de prélèvement de matériaux du château de Thé, donc, a été effectuée dès 1567, où il est fait mention d'un transport de pierres, on l'a dit tout à l'heure, prélevé au château pour refaire les fourneaux de la fonderie de Saint-Maurice. 8 charrets de pierres de taille pour les 10 fourneaux que sont restés pris à Chastel de Thé au-dessus de Bussan pour mener à la dite fonderie. Par la suite, 1621, donc, le duc a aménagé les sources thermales de Bussan avec les pierres du château. Même opération au 19e siècle. Un ancien de Bussan, M. Grisbard, nous a dit que sa grand-mère, je crois, a vu des transports de pierres venant de là-haut à la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est un point très important aussi. Voilà, alors on va réfléchir là-dessus. Et, je le disais, attention, conférence demain, à 22h, à 20h30, pardon, gratuit, laïque et pas obligatoire, mais recommandé. Après, on boit un coup, à la fin, je l'ai dit. Hein. Et puis le lendemain, bien, balade, là-haut, alors c'est pas très long, 1,5 km, il y a une grosse déclivité qui décourage un petit peu à un moment donné, 300 mètres, il faut avoir le courage de les franchir, puis après on y arrive notamment à ce seuil qui rappelle un peu Wildenstein, et donc voilà, puis on se trouve là-haut. Alors le temps il sera mitigé, c'est sûr qu'on n'aura pas trop chaud, ça sera assez frais. J'ai pris la météo tout à l'heure, mais bon, voilà, ça vaut le coup d'y aller. Je pense qu'il y aura des éclaircies, en tout cas, voilà. Voilà donc pour le château d'Esté, dernier week-end du Septembre culturel de Recré, avec la SESAM, Société d'études et de sauvegarde des anciennes mines. Maintenant, réécoutons Lucie Galland, que je vous ai fait écouter, cette chanteuse australienne que j'ai découverte à Fontenoy-le-Château lors de la journée, enfin la journée consacrée à François Mathenet, au prix Mathenet, mais aussi nommée Voyageur d'une nuit d'été. Smile, your eyes are so beautiful. I loved you many lifetimes. Out there the war is going hard, and they just called your card. I hope you make it back alive. Without you my soul might die. Cause if it's meant to be, you'll come home to me. You will marry me, then we'll start a family. Cause now donc Lucie Galland, disais-je. Alors maintenant, je vais vous emmener autant que possible Même si, même vraiment, à Bussan, pour cette deuxième journée qui a eu lieu le week-end dernier. Alors, le week-end dernier, du deuxième week-end de septembre culturel, était consacré à un concert baroque que je vous ferai écouter quand j'aurai saisi quelques extraits intéressants. Puisque j'étais avec un magnéto un petit peu trop aigu dans les enregistrements, on entend un peu trop les bruits, si bien que j'essaierai de sauver quelques morceaux, mais j'ai pas pu vous le préparer. Un très beau concert baroque, avec trois dames remarquables, une soprano remarquable, et deux joueuses d'instruments anciens, viol de gambe, archiluth, théorbe, enfin des instruments qu'on voit jamais. Ouais, c'était vraiment remarquable. Et donc, c'était donc la veille du 16, et le lendemain, Journée du patrimoine, on était au presbytère. Presbytère qu'on essaie de sauver, j'en reparlerai là ultérieurement. Ce soir, je dis simplement qu'on a voulu attirer l'attention sur ce presbytère. On le fera encore demain un petit peu, d'ailleurs, en marge de la conférence de Francis Pierre. Et il y aura des feuilles qui seront données où les gens peuvent s'inscrire s'ils sont intéressés par la sauvegarde du presbytère. On fera suivre. Alors, actuellement, on devrait pouvoir faire les premiers travaux de sauvegarde. Est-ce qu'il sera vraiment sauvé? C'est une question qui se pose. On a peu de temps pour le sauver. Les bâtiments de France l'ont trouvé sain. C'est un bâtiment de 1735 environ. Pour un bâtiment de 300 ans, il est très sain, un peu de charpente à refaire, mais la charpente est très bonne. D'ailleurs, de toute façon, elle sera gardée, dans tous les cas de figure, a dit la municipalité, pour en faire quelque chose, une espèce de halle, si jamais on devait le détruire. Mais nous, on voudrait en faire ce qu'on appelle un tiers lieu culturel. Voilà. Alors, à voir. Et en tout cas, on donnait pour la troisième fois un de nos méchants qui est une lecture. Vous allez le découvrir, je vais vous le faire découvrir maintenant avec un quatuor à cordes. Et cette lecture, accompagnée de quatuor à cordes de Jean-Claude Lusson et de Catherine Calais, Hélène Schneider et Marie-Françoise Mangenot. Donc cette lecture par Recré a été donné à Fraisse en 9 novembre 2017 et à Vittel le 7 août 2018. Et là, pour la troisième fois, devant le presbytère, il faisait très beau et on avait un public captivé. Et on a donc donné cette forme qui est elle-même est extraite directement, mais je vous le dirai ça, d'un livre de Maurice Potser, un de nos maisons. Voilà. Ben, je vous y emmène. J'espère que, voilà, ça va le faire. Voilà, tout de suite. Le père et la mère de Jean ne se croyaient pas créés pour être enchaînés aux devoirs ordinaires de la vie domestique. C'est l'art qui leur fournissait une raison de vouloir vivre d'une vie plus libre, plus belle. Pourtant, la mère se mit aussitôt à adorer l'enfant de ses entrailles, comme si elle avait enfanté un dieu. Ils ne regrettaient plus leur liberté. Ils habitaient aux environs de la grande ville, près d'un bois. Sa sœur aînée, Marie-Anne, apprit à Jean à aimer les bêtes qui volent avec des ailes bleues et dorées. Et celles qui courent, toutes cuirassées de vert entre les cailloux. Et celles qui rampent, noires et vernies, sur le sable des allées. Dans cette maison à Meudon se réunissaient, une ou deux fois par semaine, quelques hôtes assez singuliers. Tels venaient armés de solides règles morales d'après lesquelles ils détruisaient et reconstruisaient le monde. Tel autre refusait de fixer des limites à la dépendance de la pensée et ne reconnaissait qu'à la beauté le droit de gouverner l'âme humaine et la conscience de l'univers. Jean fut trempé dans ces eaux impétueuses et troubles, sans que son esprit y perdît sa lumière, ni ses yeux leur limpidité. Sa curiosité s'y aiguisa. Il s'efforça de retourner le mystère de la vie pour l'éclairer ou lui donner un sens plus noble. Jean apprit de ses amis à considérer la raison comme la seule autorité et la beauté comme la meilleure conseillère. Il s'exerça à mettre un ordre dans cet étrange puissant amour qui débordait en lui. Amour de la vie, amour des êtres, amour de tous ceux qui lui semblaient bons et beaux. Il brûlait d'en faire de l'action. Ce fut l'œuvre patiente de sa volonté. Œuvre précipitée et parachevée soudain par le coup de foudre qui ébranla le monde. C'est vers sa 15e année qu'il fit aussi deux découvertes destinées à jouer dans sa vie un rôle capital et à occuper la meilleure part de son être, l'amitié et la politique. Un de ceux qui l'ont le mieux connu note avec raison que la politique, source de tant de compromissions et de tant de défaillances pour la plupart de ceux qui en font le métier, devait être pour ce jeune homme le moyen et l'action d'un héroïsme idéaliste. L'amitié, et ce même destin voulu qu'elle restât pour lui, l'amitié, la forme purifiée de l'amour. Le premier auquel il s'attacha si étroitement s'appelait Francis Jacquelot. Une de leurs grandes joies était de se mettre au piano et de jouer les œuvres qu'ils avaient entendues au concert du dimanche. Beethoven, Bach, Wagner étaient pour eux des dieux qui, en leur versant l'ivresse de l'harmonie, leur ouvraient le monde intérieur et profond de la conscience. Ils mettaient dans leurs sentiments ce quelque chose de religieux qu'aucun dogme révélé ne pouvait plus leur offrir. La recherche de la beauté va se confondre de plus en plus en eux avec la recherche de la loi morale. Les esthéticiens de l'art pour l'art redoutent cette association inféconde, morale et art. Ils pressentent que les formes supérieures du sentiment et de l'intelligence doivent se rejoindre et se confondre. Ils rêvent d'élargir, d'affranchir assez la conscience hésitante et trouble de l'homme pour qu'elle devienne le temple unique, le dieu futur en qui s'uniraient la raison et l'amour. Jean vit dans la maison paternelle. Il y a rencontré un homme, le plus démocrate par instinct et par choix, savant aux connaissances étendues, sensible aux arts, passionné de musique, quelques thèmes wagnériens toujours entre les dents, et méprisant les politiciens, d'autant plus qu'il aime les peuples et croit en idéaliste aussi bien qu'en homme de science, à l'évolution fatale de l'animal humain. Jean rencontra aussi un autre homme. Une ardeur prodigieuse à vivre, un cœur brûlé de passion, l'implacable démon de l'indépendance. Tout cela, le poète musicien aux yeux étincelants, l'apportait dans ce foyer. Il a apporté aussi cette fièvre contagieuse de vie et d'art dont il était dévoré. Ce pèlerin passionné dont le rire reste celui d'un immortel enfant. Une ombre dans cet univers. Ce qui trouble cependant l'enfant, c'est que les parents ont cessé de croire en l'absolu. Or, l'absolu, c'est la toile immense, aérienne, sur laquelle la jeunesse projette ses pensées et se peint ses rêves. Comme l'illusion et le rameau d'or qui anime et fait parler les ombres, au milieu desquelles passe le voyageur descendu aux pays inférieurs. L'enfant pense en regardant son père. Ta force est décrue et ta volonté attiédie. Veux-tu me forcer, moi, qui me sens capable d'escalader les cimes, à monter à ton pas au flanc de médiocres coteaux? Tu t'es arrêté à mi-chemin de tes rêves. Ne me retiens pas. Ils sont d'idéal où tend le plus bel effort de l'humanité. Est-ce donc là la vie? Et avec un peu d'impatience, l'enfant se détourne du présent pour rire à l'avenir. Tandis que le père se dit « Oui, c'est là la vie. » Et en soupirant un peu, songe à son passé. Le travail de l'année finie pour les deux écoliers, le fils et la fille s'en allaient à Bussan, avec leurs parents au pays natal de leur père. C'est là-bas, à l'est de la France, tout près de ce qui pendant 48 ans fut la frontière de deux pays. Les montagnes y forment un escalier au degré arrondi et tendu de forêt, trame verte que l'automne brode de jaune, de pourpre et de lilas. Le décor en est grave. Les sapins, la nuit, font sentinelle à l'entrée du col, qui depuis des centaines et des milliers d'ans sont des passages militaires souvent forcés. Les sommets dressent des fronts chauves sur la houle des bois. Sans trêve, il souffle une brise, toujours fraîche et piquante. L'hiver, la neige simplifiant ce paysage et l'enveloppant d'un grand silence, ne lui ôte l'amabilité que pour lui donner de la grandeur. Jean fabriqua un planeur de grands modèles dont il avait calculé, fixé et assemblé toutes les pièces. Le jour où ses pieds quittèrent la prairie qu'il avait longtemps écorchée et où ils parcoururent quelques mètres à deux ou trois pieds au-dessus du sol, il fut aussi heureux et aussi fier que s'il avait gagné une grande victoire. Il s'acharnait à réaliser la création qui devait satisfaire à la fois son rêve de calculateur et son rêve de poète. Machine par la vertu de la mécanique et par la puissance de l'intelligent, l'oiseau. D'autres occupations se partageaient ce temps de vacances. Les promenades en montagne, seules ou avec quelques compagnons, de grand matin, dans la fraîcheur des bois mouillés, de rosée, ou parfois à travers la nuit, pour voir du haut d'un sommet atteint, avant l'aube, le lever du soleil. Jean s'était fait de nouveaux camarades à l'école et au lycée. Il fut conquis par l'enthousiasme de Pierre-Richard Wilm, qui était déjà de l'artiste, la fantaisie, l'ingéniosité créatrice et la fougue de l'esprit avec quelques langueurs dues à sa santé. Jean, au fur et à mesure qu'il croissait en âge, participait à un autre labeur. Ce labeur se manifestait aussi sous la forme d'un jeu, à l'usage des grandes personnes. N'est-ce pas ce qui reste toujours ? Le théâtre, même quand il aspire à quelque chose de plus haut par la vertu de l'art, et s'offre au peuple tout entier pour s'élargir lui-même. Et sans doute, les idées dont s'inspira cette œuvre n'ont pas été sans influence sur les préoccupations sociales qu'on verra se développer chez lui. Le théâtre du peuple s'offrait pour réaliser le triple accord de l'art, du peuple et de la nature. Pendant près de 3 mois, ce jeu merveilleux et bizarre concentrait l'existence des parents de Jean et toute une petite colonie d'amis qui s'associaient à leur effort. Les camarades de Jean y prenaient part aussi avec l'entrain de leur âge. Et pendant plusieurs semaines, cette scène dédiée à des divinités éternelles était une ruche bruissante. Jean, mêlé à tous, aimé de tous, n'y était pas l'abeille la moins active et la moins joyeuse. Lors d'un séjour à Munich avec ses parents, Jean goûta surtout les représentations wagnériennes qui rivalisaient avec celles de Bayreuth. Il n'avait pas été nourri dans la haine héréditaire de l'Allemagne. Par réaction contre un patriotisme bavard, il lui était tenté plutôt de rechercher et de priser dans cette race les qualités sérieuses qu'on ne saurait même aujourd'hui lui dénier. Une nation ne peut être déclarée perdue pour l'esprit humain quand elle a pour la défendre dans le passé de trinités aussi puissantes que celles de Goethe, Kant et Schopenhauer, de Bach, Beethoven et Wagner, pour ne parler que des plus grands. Jean répugnait à tuer une mouche qui le harcelait, et il préférait se lever de sa table de travail pour lui ouvrir la fenêtre. L'idée d'une guerre où l'animal humain se met en grand frais pour fracasser le crâne de son semblable ou lui briser un membre ne lui semblait grandiose que dans l'Iliade avec les vers d'Homère ou plaisante dans les combats de Picrocole et des foissiers de Lernée. Il n'en avait pas moins quelques ennemis contre lesquels il était fermement décidé à mener toute sa vie une guerre implacable. C'était la justice, le mensonge et la bêtise, érigées en puissance directrice du troupeau humain. Jean apprit de bonne heure l'existence du peuple. On en parlait autour de lui quand Jaurès lui ouvrit le chemin pour se donner à ses semblables. Jaurès était resté du peuple, il le portait en soi, il sentait et pensait pour le peuple, et c'est pour le peuple qu'il parlait, sachant bien aussi la façon de lui parler. Jean reçut de lui cette leçon. Dès 15 ans, Jean lui écrivait, il avait pris le surnom de Jean Marteau dans le journal socialiste Le Peuple Lorrain. Prévoyait-il la destinée et la hache qui aiguisait dans l'ombre un monstrueux boucher? Non. Mais il pressentait la vie et ce qu'elle faisait du meilleur des humains. Busson, 17 septembre 1911. La presse relate le meeting socialiste contre la guerre. Les autorités allemandes ayant interdit ce meeting, c'est en territoire français, à Busson, qu'il a eu lieu, sur un vaste terrain prêté par un industriel face à la montagne du Drumont. Il y avait 4000 personnes, dont les trois quarts alsaciens, venus par trois trains spéciaux de Mulhouse, et un orateur allemand de Francfort. Une estrade, entourée de sapins, de drapeaux tricolores et de drapeaux rouges, avait été élevée avec des banderoles. « Soyez les bienvenus, guerre à la guerre, vive la fraternité des peuples, vive l'internationale ouvrière !» Les citoyens réunis s'associent à leurs frères prolétaires d'Allemagne et à leurs protestations énergiques contre toute tentative capitaliste et impérialiste faite en vue de déchaîner un conflit sanglant entre les prolétaires français et les prolétaires allemands. Le soir venu, un cortège se dirigea en chantant l'Internationale vers le tunnel de la frontière franco-allemande. Là, les manifestants se heurtèrent à des gendarmes allemands. Jean était-il à ce meeting? C'est probable. Son professeur Armel l'avait dirigé vers le socialisme. Le père de Jean n'y fit nulle opposition, quoiqu'il eût toujours résisté lui-même à s'enrôler dans un parti. Jean trouva dans Armel un homme qui apportait une ardeur toute méridionale et une parfaite sincérité. On l'écoutait gronder parce qu'on le sentait sincère. C'est ainsi qu'à 17 ans, Jean a regardé la société humaine et il a pris parti. Il se met à étudier avec ferveur l'histoire, l'économie politique. Il y cherche des arguments qu'il assure que le rêve d'une organisation meilleure du monde, d'une répartition moins désordonnée des richesses, d'un accroissement de bien-être pour tous, peut désormais sortir de l'utopie pour devenir réalité. La marche humaine n'a plus ni but ni sens si elle ne s'oriente pas décidément vers cet idéal. La réalisation d'un monde de moins en moins barbare et moins ensanglanté. Une terre dont l'homme mériterait de devenir le maître résolu et lucide au lieu d'en rester le maître déchu. Sorti, et si récemment encore, de l'humanité primitive la plus bestiale. S'attire du ventre aux pieds, quand le cœur et la tête roulent déjà les pensées d'un demi-dieu, sans cesse butant et défaillant. Voilà la vision de l'homme que la science propose aujourd'hui à l'homme. Jean s'est reconnu une vocation, la conquête de cet idéal humain. Il n'ignore pas les obstacles des forces antagonistes, intérêts, traditions, préjugés, passions qui contrarient cette marche vacillante du monde. Cette volonté magnifique, le souverain désintéressement d'une âme jeune, pure et passionnée, qui se cogne à une grande cause et qui veut communiquer son amour. Pour accomplir cette destinée, Jean a changé l'orientation de ses études. Plutôt que d'être ingénieur, de construire des engins de guerre, il sera professeur. Il abandonnera l'école polytechnique, dont la conception et l'uniforme militaire ne lui plaisent guère, pour l'école normale. Juillet drapait de lumière blonde la montagne, sur qui chaque soir le crépuscule étendait des housses de soie et de velours violet. Jean, dès le matin, s'en allait au village chez le menuisier Hans. Et là, marteau, scie ou rabot en main, il s'exerçait à tailler des cadres pour ses gravures, ou bien il construisait des petits meubles. Le reste du jour, il se mêlait activement au labeur théâtral. On découpait et l'on collait des toiles, des décors. On aidait à la manœuvre des châssis, on essayait des costumes. On répétait des rôles sur la scène ou dans la prairie ombragée qui servait de foyer. Et souvent, parmi les coups de marteau, les appels des machinistes, le bourdement des verres et les cris un peu fiévreux du metteur en scène, réglant une entrée ou faisant reprendre une tirade, on entendait résonner à un gros rire clair et franc, le sien, qui épanouissait autour de lui les fronts et les cœurs. On se hâtait de préparer le nouveau spectacle qui devait être joué au premier jour d'août. De tous, le bon peintre Flo se montrait le plus optimiste. Son vieux socialisme tout nourri de bonté faisait la grosse voix aux injustices des puissants et tout en sifflant l'international pour protester à sa façon, d'un air mirailleur, mi-convaincu, il continuait à brosser ses décors. Et Jean se disait que nos aînés retardent seulement la catastrophe. Ils nous emploieront, nous les jeunes, à faire un monde que ce fantôme absurde et sanglant ne menacera plus. Mais le spectre de la guerre se dressait souvent sur leurs pensées comme un monstrueux épouvantail. Lutter contre la guerre semblait donc la tâche la plus importante et la plus pressante. Et ce dénouement arriva. Un jour, l'histoire établira peut-être quelle part eut dans ce déchaînement furieux des événements la froide volonté de quelques êtres ambitieux et de financiers sans scrupules. Thank you. Une impression grave, presque angoissante, était de voir s'en aller au crépuscule les alertes chasseurs à pied. Ils grimpaient à travers les sapins déjà noirs, vers la ligne des crêtes pour surveiller la frontière. Le cœur des femmes se serrait, les larmes montaient aux yeux des mères. L'horreur restait encore indéfinie. Vers 4 heures, ils apprirent l'assassinat de Jaurès. Et peu après, l'ordre de mobilisation générale que brandissait sur la place du village un jeune officier, pâle et pressé, un de ceux qui partirent le soir même et qui ne sont jamais revenus. La mort de celui qu'on appelait le grand tribun retentit comme un glas funèbre dans leur cœur. Ils sentaient que ce coup de feu d'un insensé, dont le bras avait été armé par des haines trop conscientes, venait de détruire le dernier espoir de la raison en un arrêt de la bête humaine cabrée au bord du précipice. Que cette petite lueur au bout d'un canon de revolver annonçait l'embrasement suprême du monde et que la paix venait d'être assassinée avec Jaurès. Le 1er août 1914, Jean écrit « Vous avez tué votre père. Voici l'homme le plus généreux. Les plus grands malheurs frappent la France en même temps. Elle déclare la guerre et tue ses individualités. Le tambour qui annonce qu'on mobilise et le coup qui frappe Jaurès résonne également comme les cris de démence d'une nation qui se précipite dans la mort. Je ne te reconnais plus, France. Je ne peux plus te reconnaître. » Jean, s'il n'eût écouté que son élan, n'eût pas attendu qu'on l'appelât pour se mettre en route. Lorsque, au premier jour de septembre, il apprit les revers de la France, l'invasion atteignant les portes de Paris et les champs de la Marne, il résolut de s'engager. La guerre faisait appel à la violence. Même pour consacrer un droit, lui causait toujours une inexprimable horreur. Il considérait le militarisme allemand, parvenu à l'apogée de sa puissance, comme l'auteur principal et responsable de ce grand crime contre l'humanité. Lutter pour sauver les libertés, l'esprit républicain et révolutionnaire de la France, c'était à la fois céder à ce sentiment d'amour qui rend facile à un jeune homme le sacrifice de sa vie. Combien était-il de milliers qu'ils partirent résolument, gravement à l'Holocauste, avec cet idéal plus ou moins conscient au cœur? La nouvelle de la victoire de la Marne le décida à retarder son départ et à attendre l'appel prochain de sa classe. Demeuré dans le village vosgien, où son père lui avait confié la garde de sa famille et au besoin une mission à l'égard des habitants, il aida sa mère et sa sœur à organiser une ambulance. La nuit, il faisait des rondes à travers la campagne en compagnie des gardes civiques. Pour s'entraîner aux fatigues, il couchait la nuit sur le plancher de son balcon, s'exerçant à dormir sous la pluie et au froid de l'automne. On entendait le canon tonner derrière les montagnes et le piétinement continu des armées qui partaient dans l'ombre. À la frontière de l'Alsace, l'obscure entrée d'un tunnel les dévorait comme une gueule béante. La reprise définitive par l'ennemi de Mulhouse, si proche, l'avance des Allemands vers la vallée de la Turque, firent craindre plus d'une fois que cette barrière de sommet ne fût franchie, avant que se stabilisât la double lignée des tranchées au pied de ces hauteurs destinées à être comme la tête de Arndt-Villers, comme la côte 326, comme le linge, l'hôtel de tant de sanglants holocaustes. Lettre de Jean à son père, le 20 août 1914. « Mon cher papa, tu vois que nous sommes adaptés à la guerre, mais je ne m'en console pas. Il me semble que l'Europe se consume tout entière. Que sortira-t-il de ses cendres ?» Lors d'une visite à son père mobilisé, Jean eut à Clermont, en Argonne, sa première vision des dévastations de la guerre. Jean, rentré à Paris, suit dans un hôpital des cours qui lui permettront de faire un bon apprentissage d'infirmier. Cette mission lui ira beaucoup mieux qu'un rôle de soldat. Soigner et sauver des hommes au lieu de les tuer. En s'abstenant, s'il le peut, de participer à la grande tuerie, il attend bien à ne pas se mettre à l'abri du péril. Lettre du 3 octobre 1914. « J'ai une joie indicible à refaire de la musique. Je m'y suis retrouvé. Beethoven, Wagner m'emportent. Et le travail et la pensée. Jean, répondant à l'appel de sa classe, 1916, quitte Paris pour endosser l'uniforme et commencer son existence militaire. Ce à quoi il aspire, c'est à partir le plus tôt possible au front, à marcher avec le peuple de France, à partager ses périls, jouant son rôle d'infirmier. Le 28 avril, on lui annonce que sa demande est acceptée et qu'il va partir dans un bataillon de chasseurs à pied, le 19e. C'est évidemment très dur, la vie de caserne, écrit-il à son ami Pierre-Richard Wilm. Il faut tâcher de rester soi-même, de ne s'abrutir et de ne s'anéantir que le moins possible. La paix, l'espoir, écrit-il encore, m'apparaissent comme des visions idéales, infiniment lointaines. On mène ici une vie de rapine, de mensonges, d'astuces, de défiance. L'amitié seule met encore un réconfort. Le 5 juin 1915, il note sur une carte postale qu'on lui a pour la première fois fait porter le brassard de la Croix-Rouge. Jean prend la direction de l'infirmerie. Le 14 juillet 1915, aujourd'hui j'ai eu la visite de Jean Cantacuzène. Une transformation politique et sociale sera un plus grand progrès pour l'humanité que la découverte mathématique de la victoire. Crois-tu vraiment que l'Allemagne est incapable de démocratie? L'union sacrée est un masque qui sera rejeté un jour ou l'autre. Lettre du 8 août 1915. La guerre est absurde. Y a-t-il de telles nécessités du mal? Jamais les malédictions sur la guerre, jamais les désirs d'améliorer l'hygiène et le bien-être social ne m'ont paru avoir une telle valeur. Lettre du 20 août 1915. Il m'est devenu presque impossible d'écrire et bien difficile de parler. Te rappelles-tu un article de Jaurès qui citait ce vers de Corneille? Les paroles restaient dans les bouches muettes. Je lis un livre de Rapoport sur Jaurès. Je fais quelques pansements. Je me repose. J'attends avec impatience tous les événements. Lettre du 11 octobre 1915. Ce matin, visite du médecin-chef. Il m'a dit que tu ferais bien de faire jouer ici le diable marchand de gouttes pour moraliser le peuple. Aujourd'hui, les mouches ont commencé la grande offensive. Oh, les mouches! J'ai reçu tout à l'heure une lettre d'un ami véhémente contre les gouvernements. Mais oui, moi aussi, et plus que tout autre, je suis révolutionnaire. Mais je ne crois plus à l'ère de la guillotine. Ils peuvent donc impunément faire massacrer des masses inutiles par leur incurie. Ce qu'il faut modifier, c'est cette puissance de quelques-uns. Ce qu'il faut établir, c'est la démocratie. Lettre du 15 octobre 1915. J'ai eu avant-hier une longue conversation avec notre aumônier, que tu connais. Je lisais les provinciales de Pascal et je lui ai demandé ce qu'on pensait, ce qu'on enseignait maintenant de la grâce, sans laquelle l'homme ne peut rien. Le bon Dieu ne peut refuser sa grâce, ça je vous le garantis. Ah, je suis resté stupéfait d'une crédulité si naïve. Oui, la crédulité des hommes est immense autant que leur docilité. D'où le pouvoir des rois et des prêtres. Le 19 mars 1916, enfin, il est envoyé dans la Marne, à Vertus, centre d'instruction avant l'entrée en ligne. Rien n'était changé dans l'enfer. Ni la paix ni la guerre n'avaient fait un pas. L'horreur continuait. Il n'y avait que quelques centaines de milliers de victimes, offertes en plus aux divinités dévorantes. Il lui fallut se défendre encore contre l'honneur qu'on voulait à toute force lui faire de porter des galons d'officier dont il n'avait point envie et d'exercer un commandement auquel ni son goût ni ses qualités, pensait-il, ne le rendaient apte. Je craindrais d'être un gradé médiocre. Je suis sûr d'être un bon infirmier. Cette lettre ne fut pas envoyée. C'est le 25 juillet 1916 qu'il réussit à s'embarquer vers la Somme. Dès ce jour, plus aucune espèce d'émotion. Sentiment mort. Dans son carnet, Jean note. Jeudi 27 juillet. Le commandant fait des compliments au 16e, aux gars du Nord, qui ont senti les premiers les griffes de ces cochons-là. En attendant, on a retiré les cartouches aux gars du Nord pour qu'ils ne tirent pas sur le lieutenant X, la brute qui les commandait. J'ai des détails sur un incident assez grave qui s'est passé la veille. X a insulté et battu le lieutenant M et les caporaux. Ses camarades ne lui donnaient pas tort. Tous, pourtant, ont prêté la main à le maîtriser. Le bombardement est effrayant, inimaginable. Il paraît tout proche. Des canons 274 qui sont derrière nous, en tirant, ébranlent toute la baraque. Samedi 29 juillet. Soir admirable. Le couchant nébuleux, vaste et frémissant. Ces arbres immenses, ce riche sans terre. Le 30 juillet 1916. 2 ans, Jaurès. Dans la tempête et pendant 2 ans il restera avec les innombrables vivants qu'elle enveloppait et dont les meilleurs tombaient un à un, victimes condamnées ou volontaires. Ces pérégrinations comme ces souffrances furent celles de tous les soldats qu'on transporta sur les points les plus divers de ce vaste front. Et il n'eut pas à prouver qu'en insistant sur les unes ou sur les autres, on parut lui faire une part de misère plus grande qu'à ses frères. Il les endura comme eux, avec ce mélange de révolte et d'acceptation, de mélancolie et de bonne humeur, qui caractérisa le combattant, cet être exceptionnel, jeté hors de toutes les normes sociales et des lois les plus élémentaires de l'humanité, dans cette période inouïe où l'homme dut s'adapter à l'enfer, y vivre et supporter une somme de maux, de fatigue et d'horreur qui semblait de beaucoup dépasser les forces humaines. Il descendit 2 fois dans les cercles de boue de la Somme, 2 fois dans les cercles de feu de Verdun, vit le printemps s'éveiller sur les marais gelés de la Voivre et sur les bois neigeux de la Lorraine dans la forêt de Parois. Il échappa bien des fois à la mort, ne reçut que d'insignifiantes blessures qui n'interrompirent point son service. La retraite des derniers mois de mai et les premiers jours de juin 1918 le surprit sur les bords de la Marne. Jean revit en permission ses parents, son foyer, ses amis. La musique, en ces temps d'horreur, fut, pour ceux qui l'aimaient vraiment, le chant d'amour profond élevé au-dessus du concert discordant de la haine. La musique, la face idéale de l'homme, se relevait en elle et par elle, derrière le masque cruel des nationalités. Il cherchait les renseignements et les directions qu'il espérait trouver en vue de prévoir, de hâter la fin du conflit. Il croyait qu'une pensée constante devait hanter le cerveau des hommes. Il s'aperçut bientôt qu'au lieu de cette puissante et nécessaire direction, l'incertitude et les hésitations dominaient. Dans l'ombre, les intrigues continuaient. Lutte pour conquérir et garder le pouvoir et pour les mêmes motifs qu'au temps de paix. Donc, il fallait que la chose terrible durât et que des centaines de milliers, des millions d'hommes allassent encore grossir l'Holocauste sans qu'il fût permis d'envisager, sous peine de déshonneur, le moyen de chercher et d'assurer peut-être une paix honorable pour tous, bien moins coûteuse que celle dont devait nous gratifier la victoire. Il fallait que par milliers et par millions, des créatures vivantes continuassent à souffrir de froid, de fatigue, de douleur sans nom et à tomber, les deuils et les ruines à s'accumuler, et la fortune du monde à s'évaporer en fumée et en poussière pour le profit de quelques-uns. Et combien était-il d'hommes, muets et invisibles, à vouloir vraiment cela auprès des milliers et des millions d'hommes qui eussent avant tout voulu la fin du carnage. Tant atroce où un père, haïssant la guerre, quelle qu'elle fût, et pressentait déjà le mensonge des mots sonores, justice, liberté du monde, que hurlait sans trêve la meute aux ordres au milieu du mortel silence des voix de la pitié ou de la raison bâillonnée. Poser la question suprême, ne serait-il pas temps que ceci finit? À chacune des permissions qui le ramenèrent à Paris, il espérait davantage trouver une opposition plus mûrie, une résistance plus forte contre la vaine continuation du carnage, à une obstination aveugle ou à une résignation sans espoir. Il n'est pas douteux, et le cachet serait offenser la mémoire de Jean qu'en juin 1917, lors de ces frissons de révolte qui secouèrent l'armée, il se demanda si la question n'allait pas se poser pour lui, comme un devoir de prendre parti pour tous ceux qui disaient « assez ». Si l'on insiste ici sur cette crise d'une âme, c'est pour en montrer le caractère tragique, pour faire comprendre à ceux qui se refusent de voir et de comprendre tout ce que la guerre peut impliquer d'horreur morale. Lettre de Jean à André Champ. Ce qu'il y avait de terrible, c'était la boue. Elle envahissait tout. Rien pour s'essuyer, rien même pour garder quelque chose de propre. Elle s'introduisait sur la peau, dans les musettes. On en avait plein les poches. Quand la pluie est arrivée, le gourbi s'effondrait. Le mien, même, s'est disloqué 40 heures avant la relève. 40 heures que j'ai passées debout, avec de l'eau et de la boue jusqu'à mi-jambe. La tranchée fondait, et on se faisait marmiter si l'on y travaillait. Les cadavres enterrés sur les bords revenaient. On marchait impitoyablement sur des corps, sur des figures grimaçantes et insensibles. Alors on commençait les pieds gelés. Le pire, ce n'est pas l'eau, c'est la boue épaisse. Chaque pas est un effort, une fatigue énorme, un travail calculé. La preuve que la boue est pire que la mitraille, c'est que tout le monde passait la nuit, et même quand il fallait sortir le jour, par la plaine, préférant risquer les balles ou les obus à l'enlisement. La plus grande peine pour les hommes était d'aller chercher la soupe. Ils arrivaient tous dans un état d'épuisement indescriptible et ne touchaient ce qu'ils avaient apporté que les deux quarts de vin et le demi-quart de gnôle qu'ils avalaient tout de suite. Ils s'affalaient ensuite pour la journée dans un trou, après s'être gratté au couteau les souliers. Naturellement, les officiers, une fois qu'ils étaient arrivés à leur gourbi, ne se montraient guère. Ceux de ma compagnie ne sortaient que pour leurs besoins naturels. On fait ça dans le boyau et on le balance avec une pelle sur le parapet. C'est à cause de cette effroyable ignorance que j'ai écrit une telle lettre, mon vieux, pour que tu saches un peu ce qui se passe. Nous avons à chaque instant des preuves du manque complet de renseignements des chefs sur la situation. Le 24 décembre, au soir, nous sommes montés pour prendre la tranchée du Torboyau. Partout, des tranchées et des boyaux qui ont été occupés pendant les attaques et où les vestiges parlent tragiquement. Équipements, fusillés, capotes sanglantes, casques percés et abandonnés sur le bord. Des tas de grenades apportées d'une niche individuelle creusée en hâte et qui est devenue un tombeau. Le dernier jour, la dernière nuit plutôt, la compagnie travaillait à un boyau près de Vermandovillers et on trouvait dans la terre une quantité incroyable d'Allemands engloutis par les bouleversements de terre provoqués par les obus. Quelques Français aussi, dont je ne m'explique pas la présence. C'est une des choses les plus sinistres que j'ai vues. Tous ces cadavres dans lesquels on piochait, enterrés la tête en bas, ou tout debout, équipés et le fusil à la main. Ils étaient trop voisins de nous. On ramassait un casque, une tête se détachait et venait avec. Une grenade, comme il s'en trouve des milliers à la main, qui la tenait et ne la quittait pas. C'était trop horrible. Je t'ai décrit, mon cher vieux, toute cette vie de misère. Je constate que nous nous sommes menés la plupart du temps par des hommes incapables, trompeurs, trompés et bas, et que l'État doit son maintien surtout à l'hypocrisie générale et aussi à la crainte. La guerre est absurde. Quelques notes de Jean sur un cahier immaculé trahissent seules sa plainte. Elle le montre errant dans la nuit meurtrière et se défendant d'aller au-devant d'une balle libératrice. Lettre du sergent Robert, 1924. Je me souviens d'avoir été frappé aussitôt par cette figure riante, pleine de force et de douceur. Il avait alors 20 ans. Le sourire qui presque constamment illuminait son visage faisait l'effet d'un rayon de soleil sur le voile secret de la mélancolie. Il avait une manière si simple d'être grand en tout. Son amour de la beauté en tout ordre artistique et moral, son extrême sensibilité ne l'empêchait pas de s'adapter sans effort, semblait-il, à la vie misérable d'un soldat de deuxième classe dans l'éblouissement des rayons qui venaient de son cœur. J'hésite à employer pour lui le mot d'apôtre, mais on peut dire qu'il était vraiment un apôtre par la conviction de sa foi, par l'ascendant de sa personne, par la persuasion de sa parole. Il ne se sacrifia pas une seule fois sous l'influence d'une ivresse passagère. Il se sacrifia toujours et partout. Il n'entrait que le dernier dans les abris, et souvent pour laisser sa place à un autre. Il feignait de préférer le grand air, comme il portait dans les marches le sac de ceux qui voyaient plier sous leur fardeau. Sa foi était tout en l'homme. Il ne croyait pas en un Dieu qui gère le monde, qui récompense les bons et punit les méchants. Cependant, il vécut et mourut en saint. Il n'adorait pas la patrie comme une idole. Pourtant, il vécut et mourut en héros. Est-ce là le secret de cet éternel sourire qui enchante, qui donne un peu le vertige aussi? Le repas vite terminé, il reprend sa musette, son bâton, et le voilà parti de nouveau vers ceux qui l'attendent, penché sur des membres sales, essuyant des salines, lui dont l'âme est toute musique et qui ne semblait vivre que pour la beauté. J'entre chez lui, je m'installe en l'attendant, son dictionnaire allemand, le beau roman de Wells qu'il m'a prêté, un livre d'André Suarez sur la mort de mon frère, Stendhal, Molière, un livre de son père, des livres de médecine, un volume de Tolstoï. Une autre fois, il est assis sur son lit, lisant son courrier, ses journaux. Il suit avec passion les débats politiques, les discours de Wilson, les projets de Société des Nations, qui avant tout le préoccupent. J'ai trouvé aujourd'hui des vers de Heredia. Il me récite du Samain, du Baudelaire. « Tu veux faire une petite promenade, me dit-il. » Il me montre le ciel rougeoyant, les nuages dorés, l'impérissable, l'inaltérable beauté de la nature. Il me dit, Tout cela est vrai, aussi vrai que nous-mêmes. Que cet arbre que tu touches, ce bois a son essence particulière, sa douleur, sa couleur, ses qualités propres, comme chaque homme. Et il nous suffit de percevoir la réalité pour qu'elle soit. Depuis bien des mois, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir peur. La bataille ne me fait plus aucun effet. Il est donc tout naturel que j'agisse ainsi que j'agis. Jean ne songe pas au sommeil. Il prend Don Juan, il m'accompagne au poste de TSF. Je me sens ravi. Il est tout Don Juan, mieux, il est tout Molière. Maintenant, il est mort. Est-ce vrai? Il vit en moi, comme si demain ce héros, ce saint, allait revenir. Un héros, c'est ainsi que le considéraient ses camarades, nous tous, et que le qualifiaient ses chefs. Nous l'avons vu tout à coup se diriger, protégé seulement par la croix de Genève, vers les lignes allemandes, pour demander à l'ennemi l'autorisation de ramasser les blessés. Il n'y avait que lui en ce moment pour oser faire cela. La force chez lui était son amour. C'est l'amour qui l'a conduit au dernier sacrifice. On eût dit, à le suivre dans sa marche, qu'il savait où il allait, vers la mort et vers la lumière. Et ainsi je le vois et le verrai toujours tel qu'il m'a paru pour la dernière fois, avec ce visage et ce sourire, cheminot de la justice, pèlerin de l'amour humain, allant vers le soleil, à travers les morts, par-delà les portes funèbres. Les cinq dernières lettres de Jean reflètent l'extrême lassitude des hommes surmenés. N'ayant pas dormi depuis deux ou trois nuits, Jean eut volontiers fait un somme. Ordre d'envoyer une section pour explorer le bois de la Tournelle. On se prépara donc. Mais, dit le major Haguenau, vous n'êtes pas commandé pour cette expédition? Non, dit Jean, mais il peut y avoir besoin d'un infirmier. Restez donc plutôt ici, c'est votre place. Si l'on a besoin de vous, on vous fera bien appeler, dit le médecin auxiliaire. Il est inutile de courir au-devant du danger. Bah, vous savez bien que j'ai 100 fois accompagné les patrouilles. Il ne m'est jamais rien arrivé. Le pontonnier Hubert, qui avait voué à Jean une tendresse faite d'admiration et de candide fraternité, se souvient de l'avoir vu à cette minute passer à la lisière du bois, chargé de ses musettes, toujours gonflées à crever. S'avançant en silence sous le couvert des chênes et des ormeaux, et leur chef marchant en tête pour n'exposer personne avant de s'exposer lui-même, soudain, une rafale de balles siffla sous les branches. « Planquez-vous ! » cria aussitôt Tony Lota. « Je suis touché. » Il chancela et vint tomber derrière un gros arbre, dont le tronc le protégeait un peu d'une nouvelle bordée. « Service sanitaire, ne tirez pas sur un blessé !» Il agita son bras pour montrer sur sa manche le brassard blanc avec la croix rouge. Bien des fois, il y avait suffi de ces signes pour imposer à l'adversaire le respect de sa mission. Pas une parole ne sortit de la profondeur hostile. La machine de meurtre insensible répondit seule. Jean reçut une première blessure, blessure à la cuisse. Elle était légère. Tranquillement, il se pansa. Une nouvelle balle le frappa au flanc. Il tomba à quelque distance du tronc du corps de Tony. Peu de temps s'écoula avant que le médecin auxiliaire, prévenu en hâte, arriva avec deux brancardiers. « N'avancez pas, je vous prie, vous vous feriez tuer aussi. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. Ah, les brutes !» Il avait maintenant, outre sa première blessure, l'épaule, le flanc et le ventre traversés. Nul ne saura jamais quelles furent les dernières pensées de Jean. Mieux vaut ne pas imaginer que son esprit ait été effleuré par l'ironie tragique du grand. Pourquoi ? Suivi d'un décevant et désespérant, à quoi bon ? Combien de temps dura leur agonie ? On dit qu'on entendit encore Jean tourner la tête vers l'ennemi et, comme s'il comptait ses plaies, crier avec une sorte d'impatiente lassitude. Mais cessez donc de tirer. J'ai une, deux, trois, quatre blessures. La dernière protestation impuissante de la raison éternelle contre la bestialité déchaînée qu'il n'avait pu dompter ni désarmer cette fois. Ensuite, la grande ombre. La lueur des bombes éclaira le cortège funèbre. La nuit était avancée quand trois corps furent couchés sur le fond des fosses creusées en hâte pour eux, dans un enclos de la ferme de la Grange au Bois. Aucun ne se doute peut-être que ces roses blanches et ces roses rouges mêlées, c'est toute la beauté qui survit encore de ces beaux corps anéantis. Jean incarnait pour ses camarades et pour ses chefs une figure presque légendaire. Vivant, on le considérait comme un héros. Sa mort le consacra comme un saint. Mais il se fut tenu pour mal satisfait d'une sorte d'hommage funéraire rendu à sa personne. Si une part importante n'y eût été faite aux idées qui occupaient son esprit. C'est pour elle surtout qu'il voulait vivre. C'est à cause d'elle qu'il dut regretter de mourir. Ce serait une trahison envers lui de glorifier son souvenir et de laisser ses idées descendre avec lui dans l'ombre. Protestation contre la tuerie humaine, contre tout ce qui l'a rendu inévitable, contre tout ce qui l'a fait durer, contre tout ce qui, dans l'avenir, menace de la renouveler encore, tant que l'effroyable effort imposé au peuple pour organiser l'état du sort la guerre, ne sera pas employé pour organiser un état d'où sortirait la paix. Il avait toujours semblé à Jean impossible qu'on n'amenât pas dans un délai relativement court l'humanité à se convaincre que le massacre chronique des peuples les uns par les autres est désormais une absurdité inconcevable, que c'est une horreur insupportable. L'explosion de la guerre ne fit que lier plus fortement pour lui les deux termes du problème. Transformation de l'état mental de l'homme par la transformation de l'état social. La cause fondamentale de ces bouleversements, il l'attribuait au vice d'une société fondée sur l'exploitation des faibles par les forts. Ceux-ci, soit par intérêt, soit par indifférence, entretiennent l'aveuglement des masses pour sauver les avantages matériels de la minorité. Essayer de supprimer cette cause, c'était travailler à supprimer les faits. Toutefois, si attaché qu'il fût resté aux convictions de sa jeunesse et au parti où il s'était fait inscrire, il n'est pas douteux que cet esprit se fût vite révolté contre l'étroitesse des groupes politiques. À l'exemple d'un Jaurès, il eut malaisément sacrifié sa franchise et sa pureté de conscience aux manœuvres, au trafic et aux compromissions d'une politique de parti. Il ne reniait rien de l'idéal socialiste et révolutionnaire auquel il avait adhéré, mais il se demandait si les peuples, dans l'état actuel, étaient mûrs pour le réaliser. Jean, qui mettant la vie, ne craignait pas la mort. Un idéaliste comme le sien, sans s'appuyer sur aucun dogme, a toute la puissance d'une religion. L'immortalité de l'âme, comme on l'appelle, est une trop petite chose pour ceux qui l'élargissent dans la vie universelle et participent ainsi à son éternité. C'est un héros mystique. Il bravait la mort pour sauver un de ses camarades. Mais il en eût fait autant pour un ennemi et il n'eût pas voulu tuer un Allemand. Au fond, croire à cette force qui devrait mener le monde est l'équivalent de croire en Dieu. Du moins, en un Dieu en puissance qui suit sa route pour devenir divin. Cette marche, indéfinie, indiscontinue, n'est pas plus arrêtée par des accidents formidables comme celui de la guerre, sa terreur et ses deuils, que la poussée d'une forêt ne l'est par les plus grandes tempêtes. La vie d'un être n'est rien sans doute dans le vaste déroulement des espèces, non plus qu'une minute, fut-elle la plus belle dans l'éternité. Et cependant, elle est tout. Ce qui est illusoire, c'est de croire que ce monde reste le même à jamais. L'homme, tout barbare qu'il est, ne cesse pas de faire effort pour s'évader de la brute. Même s'il n'y a pas de régression dans cette marche, il n'y a pas d'arrêt. Jean, pourquoi as-tu choisi d'aller à ta mort ? Quand le monde entier, avec toutes les raisons de la raison, aurait cherché à m'écarter de cette place pour me sauver la vie, j'y serais venu quand même. Je serais resté quand même. Il fallait que cela fût, parce que j'étais moi. Donc j'ai bien fait. Si la terre fait bien de tourner et la fleur de s'ouvrir. nos maisons dans les textes de Maurice Potcher, que j'ai actuellement cité Maurice Potcher, Jean Potcher vit, mort et les pensées d'un héros idéaliste. Alors, je pourrais allumer pour avant d'aller partager le pot de l'amitié là-bas derrière, je pourrais peut-être partager quelques échanges si vous voulez sur ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, de traduire. Voilà. Si vous voulez poser des questions sur peut-être un aspect, sur le quatuor, sur tout, sur le contenu. Comment ? Quel endroit ça s'est passé à la fin ? À la fin, à la Grange au Bois, près dans la Somme, hein, là où Jean est mort, où il est enterré d'ailleurs. Parce que son monument au Théâtre du Peuple n'est qu'un monument commémoratif à Jean qui le monument dit à Jean qui œuvra pour l'humanité. Voilà. Donc on a un monument commémoratif sur le côté droit du théâtre, près des toilettes. Mais Jean est à sa tombe dans la Somme. Voilà. Oui. Donc. Il n'est pas mort en 17, hein, il est mort en 18, mais pour ça on a pensé à sa pensée. Il s'est posé beaucoup de questions en 17 aussi. Ouais. Il est mort quelques années. Comment ? Il est mort quelques années. Oui, oui, oui. Oh, c'est le récit de la mort tel qu'il a été rapporté par Maurice Potcher. Évidemment, c'est pas par. On a plusieurs témoignages. On a le témoignage du sergent Robert de 1924 que Maurice Potcher reproduit et qui est donc ultérieur, bien sûr, et qu'il a relevé. Alors, Maurice a raconté, effectivement, d'après les témoins qu'il a eus de la mort de son fils, il a raconté tout cela. Il a donc fait 40 ans ? Pas tout à fait, parce qu'il est parti en 15, hein, vraiment. Hein. Mais parce qu'il était tout jeune, hein. Il est de 1896. Donc effectivement, il était tout jeune. En 14, il était trop jeune. Et donc en 1911, à la date où il écrivait à Jaurès, il avait que 15 ans. Mais c'est là qu'il a commencé son engagement. Voilà. René, tu as. Je dois dire que j'éprouve beaucoup d'émotion à vous avoir vu, à vous avoir entendu. Ça me rappelle effectivement un souvenir qui est ancré en moi. J'ai eu la chance de vous interpréter en 2015, à 120 ans du théâtre du peuple, le rôle de Padre, oui. Maurice Potcher. Ça reste un souvenir. Je suis encore tout à fait ému, vous voyez, de rien que d'en parler. J'ai eu la chance de pouvoir interpréter cette pièce, un de mes gens, avec un jeune comédien professionnel. Et vous avez remis la musique au bout du jour aussi, parce que il y avait une violoncelliste dans cette pièce. Cette pièce, j'ai retrouvé ce soir des extraits des lettres de Jean à son père. Un père qui a vécu ça comme... J'ai pu m'imprégner de ce rôle de Maurice Potcher. J'ai trois garçons et je peux, comme tout parent peut mesurer ce que peut être la perte d'un enfant, d'un fils, et son fils. Il n'avait qu'un seul fils. Oui, un seul. Oui. Il avait une fille. Une sœur. Oui. Donc j'ai pu interpréter ce rôle de Maurice Potcher avec, me semble-t-il, tout l'amour que peut avoir un père et confronté à une telle douleur. Voilà, donc là, c'était René Bianchini. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, parce que pour des raisons de fichier mal nommé, je n'ai pas dit l'introduction, mais ça ne fait rien. Ça aurait été un peu long. Et là, le débat s'est déroulé donc avec René Bianchini. Mais René Bianchini avait en effet interprété 3 ans avant le rôle de Maurice Potser dans Un de nos maisons. Alors, cette forme Un de nos maisons était différente. Enfin, nous, on a pris une forme différente, justement. Mais elle a eu beaucoup de succès au Théâtre du Peuple, elle a beaucoup ému. À l'époque, en 2015, Vincent Goethals, qui savait que j'avais le livre Un de nos maisons, enfin, il l'a su, voilà, on l'a appris. Un livre assez rare, hein, me l'a demandé, et je lui ai prêté, bien sûr. Et c'est Marie-Claire Hutz, une comédienne qui écrit aussi, qui a écrit aussi par la suite William Slam, très, très particulier, hein, de son propre écriture, mais là, elle a mis en forme bien les lettres de Jean, surtout en fait, parce qu'il y a un autre ouvrage, Lettres d'un fils, qui a été édité, qui a été réédité d'ailleurs. Alors qu'Un de mes gens, bon, on le trouve maintenant au Théâtre du Peuple, mais c'est plutôt Lettres d'un fils, des extraits de Lettres d'un fils. Le livre Un de mes gens n'a été que partiellement exploité en 2015. Bon, c'est la raison pour laquelle, me trouvant aussi associé à cette forme en 2015, Vincent Goethals m'avait demandé de trouver des poèmes de Maurice Potser qui ont été mis dans la pièce. Eh bien, j'étais donc tout à fait très motivé. Et puis Jean, c'est toujours été un personnage central, un héros, parce que par la suite, tous les personnages de Maurice Potser, héroïque, réconciliateur, s'inspirer de, enfin, rayonner de ce Jean qui lui-même, d'ailleurs, a été remplacé par Pierre-Richard Wilm, qui était un ami de Jean, venu en 1911 à Bussan, il avait rencontré Jean à l'école alsacienne, à Strasbourg, et il a remplacé Pierre-Richard Wilm, Jean, dans L'affection des parents. Et Jean, il est constant, on le retrouve même dans les noms de héros, Jean de l'Ours, Frédéric Potcher se faisait appeler pendant la guerre à Radio Liban, Jean des Vosges, et l'ombre souriante et héroïque de Jean, comme le disait Frédéric Potcher, elle est partout dans le théâtre, et dans le message de Maurice Potcher, cet amour vainqueur de la haine que voulut porter Jean. Voilà, donc moi c'était un personnage qui me motivait particulièrement, et lorsque, faisant partie du comité de la guerre, il a été décidé, comité de la guerre à Fresnes, qui chaque année à Fresnes, le comité s'intéresse à une année, 1914, 1915, 1916, et cette année ce sera 18 bien sûr. Encore, puis il continuera un peu pour le bilan en 19. Donc le comité de la guerre, c'était cette année plutôt le pacifisme. L'année 17, c'est l'année du pacifisme, enfin l'année dernière. Et par conséquent, là, ce que vous avez entendu, d'ailleurs, c'est ce qui a été donné à Fresnes, pas à Bussan dimanche dernier, parce que il n'a pas été enregistré à Bussan en plein air. À Vittel, j'en ai une autre version aussi. Et donc, j'ai pensé bien d'avoir cet exemple d'un récurrent, d'un pacifiste, d'un exemple pacifiste particulier, qui est bien celui de Jean Potcher. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de le remettre en honneur, et Jean-Claude Dusson avait le désir d'appuyer cela par un quatuor à cordes, c'était son projet, et c'est la raison pour laquelle cette forme a continué, et continuera certainement par la suite. On pense à la faire aussi en 18 pour les 100 ans de la mort de Jean. Il est mort en juillet 18, lui. Donc en 2018, on essaiera à nouveau, au moment du temps de novembre ou un peu après, de la refaire au Tio, cette forme-là, pour une quatrième fois. Voilà. Elle a bien ému les gens l'autre jour aussi, et notamment il y avait des gens de la famille Potcher qui étaient présents à Bussan. Voilà. Alors, restons sur le théâtre. Restons sur le théâtre et sur le théâtre, nous avons donc les nouvelles de ce qui va se passer bientôt. Alors, je prends mon flyer du théâtre. Enfin, je vous le donnerai tout à l'heure, dans quelques instants. Je vais vous parler de Tumulte. Tumulte, la pièce, la prochaine pièce du théâtre qui aura lieu le 13 octobre. Le 13 octobre à 20h. Mais je vous en reparle après un petit peu de musique. Patrick Even, Gérard Delahaye, Yvon Lemel, vers l'extrême nord du monde, les derniers rois d'Islande. Les oiseaux désignent notre chemin, depuis longtemps couvert d'herbes, perdues sous le gazon. Et le vent âpre courbe les brins d'herbe qui poussent sur les ruines de fermes perdues depuis longtemps et de sentiers reverdis. Mais les oiseaux désignent notre sentier parmi de vertes prairies et des ruines de fermes où siégèrent un jour des rois qui écrivaient, rois du poème et de la saga, dans des fermes petites mais des immensités dans la tête. Dans leur vol brillant, les oiseaux nous montrent le sentier qui toujours monte et va de l'avant. Le sentier que le temps, les ruines et les brins d'herbe laissent intacts. Le sentier qui traverse les lignes que ces rois inscrivirent sur le parchemin. Perdu les fermes, perdu les sentiers battus par les vents. Mais le sentier du poème et de la saga est toujours ouvert. Marna est le prénom d'un pays qui ne se prouve pas. Ni train, ni avion, ni route, ni bateau pour s'y rendre. Ni billets, ni douane, ni barbelés, ni papier. Que le son, rien que le son. Marna, l'autre contrée, celle qui manque, où il est bien d'aller et préférable sans doute de ne pas demeurer. Marna est le pays natal de Daïna, la chanteuse, de sa fille Kina, de son père Kino. Marna est aussi le pays élu de l'Entil étranger, qui, par le pouvoir du comte, mais... chut, il est l'heure. À l'extrême nord du monde, il y a un pays, trop petit pour apparaître sur le globe, trop à l'écart pour ne pas devoir vivre sur lui-même. Marna est son nom. Une plaine blanche et froide, dont seules les lisières sont habitées. L'une est la ville d'Akoy, l'autre celle de Zeta. Akoy donne aux gens du pays une part de ce qui leur manque. Zeta fournit l'autre. Et pour que Marna survive, un traîneau relie les deux cités. Ici le marteau, là-bas le clou. Ici la main, là-bas le bras. Ici le blé, là-bas le pain. Ici l'homme, là-bas son frère. Le traîneau est conduit depuis toujours par un guide et une chanteuse, depuis une date perdue dans l'histoire de Marna, du temps où ni montagne ni mer n'exilaient ce pays. Et sur les remparts d'Akoy chantent les uns, chants qui donnent la force au traîneau pour cette nuit traverser le pays blanc et froid. Chant qu'au centre de la plaine reprendra la chanteuse. Il y a le ciel et la mer, la vague et l'oiseau. Il y a la source et la neige, et la montagne et la prairie. Il y a l'arbre et le feu, et la maison et la forêt. Il y a le poème et la lumière, et la fenêtre et le chant. L'homme s'en va vers son frère par le loup, le traîneau vers le feu par la neige, le guide avec la chanteuse par le chien, Akoy vers Zeta par le chant. Et sur les remparts de Zeta espèrent les autres, espérance qui donnera la force au traîneau pour, au matin, réussir le passage du pays blanc et froid. Et par la vague et sur la mer, j'ai crié dans la montagne et dans la neige, j'ai crié près du feu et dans la maison, j'ai crié près de la fenêtre et dans la lumière, j'ai crié. Et le ciel m'apporte l'oiseau, la source m'apporte la prairie, l'arbre m'apporte la forêt, que je puisse porter le poème jusqu'au champ. Le traîneau jusqu'au terme. Le traîneau passe sur le centre de Marna, qu'apprivoise le chant de Daina, que dompte le fouet de Kino, que ne craignent pas les chiens. Les aigles, les loups hurlent, survolent, se posent, se calme quand du cœur de Daina tombent les paroles sur la plaine qui laisse glisser sur son ventre le traîneau de la vie de Marna. Ainsi résiste le pays de l'extrême bord depuis longtemps, depuis la naissance de Daina et de Kino, filles et fils de la montagne et de la mer, qui donnèrent à ce monde lointain une chance de survivre après l'avoir séparé des richesses de la terre. L'homme reviendra vers son frère par le loup, le traîneau vers le feu par la neige, le guide avec la chanteuse par le chien, Zeta vers Akoy par le même chant. Mais commencent les années noires de Marna. Les puissants retirent Daina des bras de Kino, bouche inutile qui coûte trop de pain et de feu, disent-ils, sans avoir interrogé la mer de la plaine blanche et froide. Fous les arbres par la lune, fatigués la lune par la nuit, les loups par la faim, épuisés la nuit par manque d'aube, l'aigle par manque de ciel, l'aube, blême de ne pas naître s'il n'y a pas le champ, disent les petites âmes de Marna, après avoir interrogé la mer de la plaine blanche et froide. Et Kino quitte Akoï, seul, avec ses chiens. Voici que s'approche le lieu d'où naissait le chant. Que le loup quitte le bois, l'aigle la montagne. Voici que la glace descend de la neige, qu'elle se brise et brûle. Voici que disparaît Kino, dans le ventre de la mer de la plaine blanche et froide. Fous les arbres par la lune, fatiguez la lune par la nuit, les loups par la faim, épuisez la nuit par manque d'aube, l'aigle par manque de ciel, l'aube, blême de ne pas naître s'il n'y a pas le champ. À l'extrême nord du monde, il y a un pays, trop petit pour apparaître sur le globe, trop à l'écart pour ne pas devoir vivre sur lui-même. Marna est son nom, un nom qui craque dans le silence, un nom que découvre l'Enti, l'étranger, l'Enti homme jeune, plus vieux que la montagne de Marna, plus enfant que la fille de Kino. Kina, caché dans les remparts d'Akoï, dont les journées se passent dans le secret de sa mère, dans le regret du guide, dans l'espérance de l'autre ville, pour qu'un jour circule le traîneau et la vie dans Marna. Il y avait le ciel et la mer, et la vague et l'oiseau. Il y avait la source et la neige, et la montagne et la prairie. Il y avait l'arbre et le feu et la maison et la forêt. Il y avait le poème et la lumière et la fenêtre et le chant. Et le soir, les paroles rapprochent l'Enti de Kina. Les fiancés de Zeta, l'amour sauvera Kina qui a sauvé le champ, qui sauvera le pays de Marna. Et par la vague et sur la mer, j'écrirai. Et dans la montagne et dans la neige, j'écrirai. Et près du feu et dans la maison, j'écrirai. Et près de la fenêtre et dans la lumière, j'écrirai. Ici le marteau, là-bas le clou. Ici la main, là-bas le bras, ici le blé, là-bas le pain. Ici l'homme, là-bas son frère, ici Akoï, là-bas Zeta qui nous attend. Et le ciel m'apportera l'oiseau, la source m'apportera la prairie, l'arbre m'apportera la forêt, que je puisse porter le poème jusqu'au champ, le traîneau jusqu'au terme. Et Marna laisse sa plaine caresser l'équipage, les loups rejoindre la bande et quitter la faim, l'aigle s'occuper du nid et encore enchanté se rouvre pour que passe le chemin. Il y a le ciel et la mer, la vague et l'oiseau, il y a la source et la neige, la montagne et la prairie, il y a l'arbre et le feu, la maison et la forêt, il y a le poème et la lumière, la fenêtre et le chant et Zeta, l'orphelin. Orpheline avant l'aube, enfin claire tend sa voix, ses bras à la fille de Kino, à l'étranger l'Enti est par la vague, et sur la mer, chante, dans la montagne, dans la neige, chante, près du feu, dans la maison, chante, près de la fenêtre, dans la lumière, chante, et s'envole, les paroles par-dessus la plaine, le ciel lui apporte l'oiseau, la source, la prairie, l'arbre, la forêt, qu'elle puisse porter la voix jusqu'au ciel, le traîneau jusqu'au terme. Zeta vers Akoï, l'Enti chez Kina, Kina, fille de Daina et de Kino, enfant de Marna, ami de l'Enti. Poème d'Yvan Lemaine, lu par la fois par Patrick Even et Yvan Lemaine, justement. C'est qui formait un trio avec Gérard Delahaye. Donc ils étaient venus à Lure, d'ailleurs, lors des franc-compteries, voilà, il y a quelques années. Et puis, Patrick Even, c'est quelqu'un qui est remarquable, que j'avais découvert il y a bien longtemps avec ces fameuses légendes contées bretonnes. Alors, je reviens au théâtre. J'avais parlé de Tumulte. Non, j'ai pas dit le titre. Tumulte, c'est la prochaine pièce du théâtre. Pas du tout l'été, et même pas en hiver où il y aura une saison d'hiver aussi, mais là, en plein octobre, le 13 octobre. En effet, Simon de l'Étang tente une expérience qui me paraît très forte, qui est de faire vivre le théâtre, non pas seulement l'été, mais aussi un peu toute l'année. Donc il y aura l'hiver en moment, et là l'automne, c'est tout à fait nouveau. Ça mérite effectivement d'être appuyé, parce que c'est en faveur des populations locales, en faveur des lieux, que c'est pensé pour que ce théâtre soit davantage immergé dans la vie de la région, à une époque où il y a moins de touristes, effectivement, que l'été, et même plus beaucoup, voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une pièce de Marion Aubert, Tumulte, qui se déroule de la façon suivante. Paniqué par l'état du monde, une troupe de jeunes acteurs décide de préparer la révolution. Ils s'interrogent, s'empêtrent, s'affrontent et s'étreignent, perdus entre peur, héritage et désir fou d'émancipation. Un portrait d'une génération inquiète, mais surtout vive, créative et décidée à empoigner le monde avec rage, esprit critique, humour et passion. Or, humour et humour, sûrement, Marion Aubert, c'était l'auteur du Brame des biches il y a quelques années, en 2011. Brame des biches, là aussi j'avais collaboré en donnant des résultats d'enquête sur la vie ouvrière vosgienne, textile. Bon, elle l'avait traité de façon assez caustique, et je sais que Pierre Pellot l'avait relevé dans Vosges Matin. Mais bon, j'ai revu d'ailleurs la pièce, le film de la pièce, il n'y a pas longtemps, au moment de justement le dernier jour de la saison du théâtre. Bon, c'est vrai que c'est une pièce qui est très enlevée, très caustique, effectivement, très marrante, et en même temps qu'elle pose des problèmes profonds. Bon, est-ce que... Moi-même, j'avais écrit sur le textile, les ouvriers textiles, il y a bien avant, le mystère d'Alda, et j'aurais vu un peu différemment. Ceci étant, Marion Aubert est un auteur pétulant, et on peut être garanti de la vivacité avec une troupe jeune. On est garanti de la vivacité de ce travail qu'on va voir, et auquel je vous conseille d'aller, notamment pour voir un petit peu vivre ce théâtre en automne. Alors, il fait un peu plus frais, on met des couvertures, on se couvre un peu plus. La première expérience du style avait quand même été tentée en plein hiver par Pierre Guiwa, lorsqu'il avait fait son opération du... Moufle duvet bonnet. Et c'était lorsqu'il avait relaté le drame du Mont Blanc par Vincent Don et Henri, un des premiers sauvetages en montagne catastrophique d'ailleurs, dans les années 55. Voilà. Alors, donc, c'est pas tout à fait nouveau qu'il y ait des choses en dehors de l'été au théâtre, c'est nouveau que ce soit l'automne. Alors je vous dis ça aussi parce qu'il y a des places. Les places sont à 19 € en seconde, 25 € en première, 8 € pour les enfants. Mais votre serviteur peut en avoir à 15 € des secondes parce que le spectacle se fait en liaison avec Idéal 88. Idéal 88, c'est l'association, les associations de Bussan, et Idéal 88 donc bénéficie bien sûr de places à tarif 4 euros plus bas. Et si vous en voulez, eh bien, adressez-vous à Bernard Guémozo, qui me retransmettra, 03 29 62 40 40, si vous ne le savez pas, ou bien même mon téléphone, 06 comme les Alpes-Maritimes, 83 comme le Var, 17 comme la Charente, 66 comme les Pyrénées-Orientales, 36 l'Indre. Donc un numéro qui est assez ensoleillé, hein. 06 83 66. Mais si vous ne le rappelez pas, téléphonez à la radio. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir un peu en arrière de la saison, je vous l'avais dit, en revenant sur les rencontres auteurs amateurs qui se sont déroulées au mois de fin juillet. Alors, vous allez voir cette présentation par Patrick Schoenstein, président de la FNCTA, Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur. Lui-même, il est de Nancy. Et il faut savoir qu'on a créé, nous, un comité départemental de la FNCTA, dont le président est Torenzo, c'est-à-dire Vincent Palmas. Ça fait 2 ans qu'on devrait présenter un festival du théâtre amateur. Il est encore pas au point. Mais enfin, il finira bien par exister. Voilà. En tout cas, la FNCTA, il y a 80, enfin, il n'y en a plus que 60 en cette année. Avant, au début, il y avait 80. Là, il y en a eu 50, mais cette année, plus 10 jeunes, des rencontres franco-allemandes. Donc voilà, on était 50 à être accueillis à la maison de Villers-Nancy, une maison familiale à Bussan, qui s'appelle Les Myrtilles, un joli nom. Alors voilà, on va écouter ça. Et c'est la dixième fois que nous nous retrouvons ici à Bussan. Pour la dixième fois, donc, nous nous retrouvons ici et nous entamons donc une nouvelle épopée avec un nouveau directeur, donc c'est super, Simon Delétang, donc pour ceux qui n'ont pas photographié encore, qui sort de scène, parce qu'il joue dans le spectacle de 15h, non seulement, mais je crois aussi qu'il joue son spectacle seul, Lens, le parcours de Lens. Alors pas... Non, le dimanche soir. Le dimanche soir, voilà. Bon, pour s'en reposer un petit peu. Voilà. Donc, alors là, vous avez donc les 50 stagiaires de la FNCTA, plus les jeunes français, allemands, d'Interkultur, qui sont là depuis lundi, et qui viennent donc de... Bah, vous faites connaissance avec chacun dans les groupes, mais qui viennent d'un petit peu partout. Hein. Il y a des gens qui viennent du sud de la France, il y a des gens qui viennent du nord, il y a des gens qui viennent de la région Bourgogne, il y a des gens qui viennent de la région parisienne, il y a des locaux vosgiens, il y a des lorrains, il y a des gens qui viennent de Suisse. Enfin, il y en a au moins un, voilà. Mais bon, voilà. Donc des gens qui viennent un peu partout et qui pratiquent le théâtre en amateur là où ils sont. Voilà. Simon, si je laisse la parole. Bien, bienvenue à tous, bienvenue à Bussan pour ces 2 jours de travail sur les écritures contemporaines, avec en plus la chance de pouvoir travailler directement avec les autrices et les auteurs qui ont choisi des textes en fonction de ce travail-là. J'aurais un peu demandé, c'est ça qui a changé par rapport aux autres années, plutôt que d'écrire quelque chose spécialement pour cet épisode-là, c'était plutôt de venir avec des textes qui leur appartiennent, qu'ils ont déjà écrits, avec lesquels ils se sentent à l'aise. Parce que c'est un exercice que, voilà, tous les autrices et tous les auteurs ne maîtrisent pas, de diriger des comédiens, de faire de la mise en scène. Donc j'ai envie que ça se passe aussi le mieux possible et que chacun soit en confiance dans cet exercice-là. Donc moi je suis très heureux parce que j'ai eu envie d'inviter des nouvelles voix aussi du théâtre français, pour le dire un peu de manière solennelle, des voix qui comptent aujourd'hui pour moi dans ce paysage nouveau du théâtre français. Donc je vous présente Mariette Navarro, bonjour. Pauline Peyrade, bonjour. Magali Mougel, bonjour. Julien Gaillard, bonjour. Et Sandrine Roche, bonjour. Voilà, qui ont tous... Bonjour. Voilà, on va s'arrêter là. On est tous très contents. Donc vous allez être séparés, vous n'aurez pas tous la chance de travailler avec Marit Navarro, ni de travailler avec Sandrine Roche, ou Pauline Perrade, ou Magali Mougel, et Julien Gaillard encore moins, puisqu'il est directement propulsé avec nos amis franco-allemands. Mais en tout cas, vous allez être du coup séparés peut-être les uns les autres, mais vous serez par groupe de 12 à 13, avec chacune et chacun. Donc je vais donner les noms qui sont par groupe. C'est un tirage au sort qui a eu lieu sous huissier. Sous huissier de Busson. Voilà, maître. Donc, vont travailler avec Sandrine Roche, Daniel Pugnal ou Pugnal, je ne veux pas écorcher les noms, Pugnal, Brigitte Bayol, Nicole Sarlin, Sandrine Legrand, Marie Petit, etc., etc. Donc voilà, donc on a énuméré tous les groupes et bon, chacun est parti de son côté avec son auteur tiré au sort. Moi-même, j'étais avec Sandrine Roche. On va voir ce que ça donne. Et je vais vous faire écouter la restitution après un jour de travail, un jour et demi, enfin une soirée et un jour de travail. Restitution le samedi soir sur la scène du théâtre dans des lectures en espace. Alors on va en écouter la première, je pense, Sandrine Roche, qui donnera une idée de ce que ça peut être que ces rencontres auteurs-amateurs. Bonsoir à tous. Bienvenue au Théâtre du Peuple pour ceux qui nous rejoignent et puis pour ceux qui ont passé l'après-midi avec nous, rebonsoir, rebonjour. Donc c'est un moment qui était un petit peu le moment traditionnel depuis une dizaine d'années, qui est organisé en partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur. Et donc cette année j'ai invité quatre autrices et un auteur à travailler avec une cinquantaine d'amatrices et d'amateurs venus de la France entière. Et le principe c'est qu'ils travaillent directement avec les autrices et les auteurs pour vous présenter une lecture mise en espace d'un extrait de leur pièce. Donc ce soir, vous aurez la chance de découvrir un texte de Sandrine Roche, je l'ai dit dans l'ordre, de Pauline Perrade, de Mariette Navarro, de Magali Mougel et de Julien Gaillard, qui lui a travaillé avec un groupe de jeunes français et allemands qui se retrouvent à Busson depuis une semaine dans le cadre d'un échange qui s'appelle Interculture. Donc voilà, vous allez les voir, ces cinq mises en espace d'affilée, sans salut, ils salueront à la fin, une fois que tout sera terminé. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, on va vous présenter un extrait d'une pièce qui s'appelle « Des cow-boys », que je pourrais définir comme un texte qui serait un état des lieux social d'aujourd'hui sous l'angle du western, avec toutes les thématiques qui s'y réfèrent, la loi du plus fort, la ruée vers l'or, les cow-boys, les indiens. Et c'est une pièce puzzle dans laquelle évoluent des jeunes enfants, des ados et des adultes. On va vous présenter les deux premières parties de la pièce. La pièce, il y a cinq parties en tout. Bonne lecture. Bing! Bang! Schlag! Tu dis d'où tu viens, tu es fichu. Voilà le plus difficile. Ne rien dire, garder la bouche fermée. Parce qu'une fois qu'on t'a trouvé, une fois qu'on t'a sorti, tu es fichu. J'ai craché. Parce que quand tu craches, tu es un homme. Et un homme, on sait ce que c'est. Pas besoin de demander plus. Derrière, je ne voyais pas qu'on me voyait. Comment j'aurais pu voir ? Derrière, qu'on me voyait, d'où j'étais, je ne pouvais pas voir. J'ai craché, parce que quand tu craches, on te respecte. Le trou dans lequel on me voyait, moi, je ne pouvais pas le voir. Un tout petit trou, j'étais dedans, et je ne le savais pas. Il ne faut pas se mettre dans un trou. Tout le monde sait ça. Les trous, c'est pour les rats. Ils nichent, ils inondent, Ils débordent, on les repère, on les expérimente, on les extermine. Prendre de la hauteur, cerner les contours, je le savais. Mais là, d'ici, franchement, comment ne pourrais-je pouvais savoir que c'était un trou, que j'étais dans un trou? De derrière seulement, on voyait le trou. Devant, c'était un espace comme les autres, presque plan, légèrement bombé sur le devant. À cause des feuillages, remplir les zones de feuillages manquantes. Voilà ce que je voulais faire. Sûrement pas me foutre dans un trou. Mais l'erreur est humaine et on m'a vu. Je suis sortie et j'ai craché. Parce que quand tu craches, ça fait peur. On a peur d'un homme. On a peur d'un homme qu'on respecte. Trou ou pas. Elle dit... Qu'est-ce que tu fais dans ce trou? Une cave, c'est mieux. Sauf que ça appartient toujours à quelqu'un. Tout le monde a un trou pour se réfugier. En cas de problème, on ne peut pas se mettre dans le trou d'un autre. Sans y penser. Elle dit... D'où tu viens? Depuis combien de temps es-tu là? Tu parles notre langue? Maintenant, il y a la langue. Et on ne peut plus tricher. À cause du trou, la bouche, il y a une langue. Et si on la montre, on est foutu. J'ai craché. Quelque chose est sorti. Elle a reculé. Elle dit, approche, n'aie pas peur. D'où viens-tu? Ils ont approché, derrière, un petit groupe, sans rien dire. Ils attendent, elle attend, j'attends, longtemps. Qu'on reste? Qu'on se regarde? Sans rien dire. J'ai craché, encore une fois. Ça n'avait pas de nom. Cette chose qui sortait de ma bouche, on ne pouvait rien y faire, on ne pouvait rien en dire. Moi, je ne m'arrêtais pas. Elle dit, je vais m'en occuper. Oh, vous êtes sûre? Elle dit, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Comme vous voulez, vous savez où nous sommes, en cas de besoin. Occuper, ça sonnait comme un crachat. Vous crachez, ça, il faudra arrêter. Parce qu'ici, on ne crache pas, pas devant les autres. Ici, on ne fait pas ça. On crache à l'intérieur, dans les toilettes. Dehors, on ne crache pas. Tu comprends? Et ils ont tous craché. Pour me montrer, tout le monde a craché devant moi. Et c'était des hommes. Et il fallait les respecter. Et il fallait en avoir peur. Non, mais... T'as 3000 euros, toi? Non! Ben moi non plus. Alors, tu peux pas y aller. Je veux y aller. Faut que j'y aille. Mais... Faut que je trouve un truc. Bah où... pas rester ici. Où tu veux trouver 3000 euros? Forcément, il y a une solution. Faut que je trouve un truc. Tu vas braguer une banque? Ça va pas. Je fais comment pour braguer une banque? T'es folle? Si je me fais pécho, ma mère l'apprend, je suis mort. Ah, t'as qu'à demander à ton cousin. T'es folle. Bah, il a de la thune, ton cousin. Quelle est la prime? Ah, t'as vu sa caisse? Eh pas lui. Oh, il a une caisse volée. Il a des caisses volées. Il les bricole, il frime, il les laisse. Oh, bah, s'il se fait pécho, il est mal, hein. Oh, bah, tu peux rien faire, alors. Elle dit... Comment il est arrivé là? C'est une histoire insensée. Je l'ai repéré et je l'ai suivi. J'ai bien vu qu'il était aux abois, mais je ne sais pas comment il est arrivé. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne voulait pas aller dans ces endroits où on les parque. C'est inhumain, ces endroits où on les parque. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer sans ligne d'horizon? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux me le dire? On peut donner une chance, Si on en sort un, peut-être que le reste va suivre, s'adapter. Bah, ils ne vont pas nous attaquer, ils tendent la main. Et puis on a quoi leur donner? Cet homme, je l'ai suivi, repéré à son comportement, son corps. Il n'avait pas le même corps quand il bougeait. Je l'ai vu et je l'ai repéré. Lorsqu'il partait le soir, un animal traqué. Il travaillait dans un restaurant. Dans un restaurant, tu te rends compte? Les gens meurent de faim et lui, il travaille dans un restaurant. Et le soir, il dort dans un trou. J'ai vu sa méfiance avec sa main fixée dans sa poche droite. Comme s'il voulait disparaître à l'intérieur de sa poche droite. Comme si une embuscade. Ce corps, quand il bougeait, ça m'intriguait, ce corps. Comment on a un corps pareil? Sans rythme. Sans rythme. Il est tranquille. Ah, c'est notre devoir d'aider les gens comme ça, hein? Il n'a rien, pas de signe. Pas de talisman, rien qui prête à croire. C'est un homme qui a besoin de se développer, de développer son corps. Dans un buisson, un trou, tu te rends compte? Mais comment on peut vivre dans un trou? Comment on peut vivre dans un trou? Des jeux, grandeur nature, ce petit pas. Des gens en vrai, putain, dans la nature. Bah, on et punch. On peut inventer un truc, mec, organiser un truc tous les deux, ça les fera kiffer, jurer. Bonus, super pouvoir. Ils kiffent et nous, on les regarde se bastonner, ça te dit pas? Coup de boule. T'inquiète, je me renseigne, je prends des infos. Je vais bientôt me tirer, mec, avec mes infos. Part de replay, quatrième niveau. Toi, t'as pas d'infos, mais tu connais les jeux. Viens, on s'arrache, on va inventer un truc de ouf, tous les deux. Tu fais quoi? Final Fight. Putain, tu fais du versus hacking, mec. Qu'est-ce que tu fous? Il y avait un pack. Putain, rétro-gaming, mec. Fais de la compète, au moins. Course de boule. Vas-y, file la manette. Ready? Ready. Go, go. Elle dit. Il faut s'en occuper. Il dit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle dit. Mais il faut s'en occuper, on ne peut pas le laisser comme ça. Il dit. On a autre chose à foutre. Il a des papiers. Elle dit. Il ne dit rien, je ne sais même pas son nom. Il dit. Fouille-le. J'ai craché. Fouille. J'aimais pas. On ne fouille pas un homme qu'on respecte. Il dit. Les crachats, ça. Il faudra arrêter ça ici. Putain, il est dégueulasse. Ne crache pas ici. Si tu veux cracher, tu vas dans les toilettes au moins. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Elle dit. Il a peur. Je sais même pas s'il nous comprend. Il dit. S'il crache et qu'il ne dit rien, qu'est-ce que tu veux qu'on en foute? Il les éduque dans les foyers. Cracher, putain. On n'est pas des animaux. Qu'est-ce qu'on va foutre de ça, nous? La cuisine est large. La fenêtre est large. Le jardin est large, sans trou, terre à découvert. Il a les yeux gras, deux trous qui suintent, la bouche ouverte et large. On apprend à garder la bouche large pour mieux manger, engloutir. Mais ce ne sont pas des loups. Les loups ouvrent la gueule au dernier moment. Les hyènes gardent la gueule ouverte pour broyer les os. Dévorer les carcasses, elles chassent, mais les carcasses, elles ont pris l'habitude, dans les poubelles, les trous. Hé, hey, qu'est-ce que tu mates? Un truc. C'est des femmes à poils, je suis sûre. C'est pas des femmes, mais il y a des poils. Oh, dégueulasse. Ah, c'est pas ça de chien. C'est pas un chien, mais ça bave. Non, mais t'es vraiment dégueu. T'as rien d'autre à faire. Ah, ça me fait marrer en plus. Il mate des poils et il se mord. T'as jamais vu des poils? T'as rien dans la tête ou quoi? Bon, rien dans la tête, ce mec. Et toi, avec ta console, t'es teubé ou quoi? Tu vas pas regarder un peu le monde autour de toi? Allez, bouge-toi! Mais vas-y, bouge-toi! Avant, pas et punch! Elle me regarde. Je peux pas la regarder. Elle a les règles, ta copine. Ça va pas la tête, non? Pourquoi tu lui parles comme ça? Ça dérange personne si je mets de la musique. Oh non, ouais, venez, on danse. Et derrière, elle regarde ce que je fais. Sans plus propre. Qu'est-ce que je fais? Elle attend que je la regarde. Fais quoi? Super soif. Waouh, c'est trop bien! Allez, vas-y, on danse! Vous dansez, les débiles! Arrêtez, vous nous foutez la honte! C'est toi qui nous fous la honte avec tes poils! Allez, venez, venez, il masque, regarde, mais pas ma poêle! Allez, lâche-moi! Il dit. On va pas le nourrir gratos quand même. On a vraiment besoin d'un jardinier. Elle dit, trouve-lui un travail. Il dit, t'as besoin d'un cuisinier. On va pas virer la femme de ménage. Elle dit, il travaille, je l'ai vu travailler. Tu peux l'aider. Il dit, putain, j'ai autre chose à foutre. Elle danse pas vraiment. Je vois bien qu'elle danse pas vraiment. Elle me lance des coups d'œil. Je fais quoi, là? Corps à corps! Attends, c'est quoi, ça? Vas-y, montre! Allez, montre ça! Mais lâche-moi! Vas-y, là, montre! Ah, tu montres! Vas-y, continue de bouger ton cul! Hé, tu me touches pas, hein? Tu la touches pas! Mais bouge ton cul, vas-y! Attends, comment tu me parles? Oh, mais comment elle lui parle, hein? Tu es trop chelou, toi, hein? Si tu veux, j'appelle mon cousin. Allez, montre ton truc, comment on appelle son cousin? Mais c'est quoi? Un paysage. Tu fais quoi avec un paysage? Il est chelou, ton copain. C'est le Luxembourg. Le quoi? Le Luxembourg, je te dis. Une photo de Luxembourg. Oh, mais c'est quoi ton délire, là, avec le Luxembourg? Il est où, ce mec? Je me renseigne. Ah, tu te renseignes sur le Luxembourg? Laisse tomber. Tu peux pas comprendre. Il dit. Alors, comment ça se passe? T'es un marrant, toi. La ligne de son cou, je ne vois pas. La ligne de son cou. Il dit. T'as pas de nom? Tu viens de nulle part? Ben on va te trouver une race et un nom si t'en as pas. On va choisir pour toi. Tu vas voir ta gueule. Ça se fond avec le torse, la tête. À quoi tu ressembles? T'es un marrant, toi. Tu ressembles à rien. Il dit. Marrant, c'est bien. On enlève le T et on prononce le N. Ça fait exotique. T'es exotique, Maran. Ça te plaît, Maran? Ça te va bien. Il n'y a pas de ligne. Tout est large, en bloc, sans ligne. Avec un nom, c'est mieux. Il dit. Avec un nom, tu t'en sors. Alors, tu es content? Moi, je suis content. Elle a des lignes franches. Des courbes franches. Tout le monde est content. Il parle, elle s'occupe. On va faire quelque chose de toi, Maran. Il travaille, elle s'occupe. On va faire quelque chose de toi, tu vas voir. Elle gère les occupations. Bouche fermée, sourire fermé. Les cow-boys aiment les Indiens. Les Indiens aiment les cow-boys. Les cow-boys veulent disposer du territoire des Indiens. Les Indiens veulent disposer du fric des cow-boys. Les cow-boys font des marchés avec les Indiens. Les Indiens font des marchés avec les cow-boys. Ils se bagarrent à coups de marché. Tout le monde se bagarre. Tout le monde gagne. Tout le monde perd. Ils construisent haut, très haut. Chez les Indiens et chez les cow-boys, parce qu'on ne sait plus qui sont les Indiens, qui sont les cow-boys. Il faut pouvoir les repérer. Comprendre d'où vient l'attaque. Ils construisent haut pour voir l'ennemi de loin. Ils espèrent toucher la Lune, Mars, Jupiter. Les Indiens veulent devenir des cow-boys. Certains cow-boys veulent devenir des Indiens. Certains Indiens veulent rester des Indiens. Certains cow-boys sont des Indiens en puissance. Certains Indiens sont des cow-boys en puissance, quand ils ignorent. Un certain temps. Tout le monde veut profiter du fric des cow-boys. Tout le monde veut profiter de la sagesse des Indiens. On fait des marchés très haut, près de la Lune, Mars, Jupiter. I'm John. I'm James. I'm Jim. I'm Jesse. I am Duan. I am Robby. I am Roseau Sauvage Plus Doux. I'm Lola. Non, c'est moi, Lola. On est combien en tout? Là, je plonge en rôle, c'est mieux, hein. Il faut 3 000 euros. et elle les a pas. C'est beaucoup, ça, dis donc. Eh ben, c'est le prix. Ah, je trouve que c'est cher, ça. Ouais, mais ça vaut le coup, hein. C'est pas trop, hein, ça me paraît beaucoup pour ce que c'est. Moi, je pense, tu sens ton cœur. Tu ne sais rien dans mon cœur, moi. Comment on peut dire ça à une fille qu'on ne sent rien dans son cœur? Tu sais pas ce que c'est, j'imagine. Ah ben ouais, comment toi t'imagines? T'es pas même croyant. Aucun rapport. Bien sûr que si. Toi, t'es croyant peut-être. Je pense, comment on lui dit ça sans qu'elle se tire? Oui, moi je suis croyante. Bah vas-y, prouve-le. Eh, c'est j'en crois, c'est tout, j'ai rien à prouver. Je trouve ça bizarre, moi, 3000 euros pour croire. Je me regarde me battre. Je me sens que quand je me regarde me battre, je gagne vite, je suis frappé. De toute façon, c'est pas pour croire, c'est pour le voyage. Je lève les yeux, je la regarde. Elle me regarde, on a l'air con. Hugues, c'est la merde dans ton pays, hein, marrant. Je ne connais pas bien ton pays. C'est loin. C'est la merde. C'est tout ce que c'est. Mais ça changera, ça va changer ton pays bientôt. On va nettoyer sa merde. On va travailler ensemble, marin. On va coopérer. On commence ici et puis on ira là-bas, chez toi. Ils sont tous comme chez toi, marin. On ira là-bas, on s'installera et ce sera bien. On fera quelque chose de bien. S'ils sont tous comme toi, ce sera facile s'ils coopèrent. Ça au moins, ils savent faire, hein, marin. Coopérer, ils savent faire au moins. Parce que le rythme, il a fallu le suivre. Se mettre à le suivre. Il dit... Ça se passe bien, je vois que ça se passe bien. Tout le monde est content. Tu es content? Moi aussi, je suis content. Apprendre le tempo. J'aime aider, tu comprends. On vit dans un monde de malades, de malades. Tout est une histoire de tempo. Tu connais des malades? Non, pas toi, je sais. On te lave nous-mêmes. On est au courant quand même. C'est pas nous qui allons te filer des cochonneries. Ça donne le corps, le tempo. Des cochonneries, les cochons, des malades. Ces cochons, dans ton pays, Soran. Et on ne te remarque pas. L'ambition, tu connais, Soran, l'ambition. C'est chez nous, ça, l'ambition. L'éducation, ça rime. C'est pas pour rien. Regarde droit. L'école, c'est ce qui vous manque. Et nous, on l'a. Alors chez nous. Alors, on va profiter, c'est normal. C'est la République, ça. Péran. Si on te parle, tu craches d'abord. La République, c'est pour tout le monde, merde. T'éduquer, on va t'éduquer. Même les serpents reculent. Quand tu craches, tout le monde sait ça. Il dit... On va t'éduquer. Et ça sonnait comme un crachat. J'ai pris le mot, j'ai pris la salive, j'ai mastiqué. Ma copine, elle te kiffe grave. On baisse les yeux. Elle s'assied à côté de moi. Je pense que je ne pense rien. Je vois tes jambes. J'ai trop soif. On va boire un truc sans la regarder vraiment. On se lève. Elle me colle. Elle s'approche. Elle touche mes lèvres avec ses lèvres. Moi, je ne bouge pas. Je regarde devant. Je ne sens rien. Je pense... tu sens quoi? Ça te fait quoi? J'aime bien quand elle est là, mais je ne la regarde pas. Je regarde devant moi. Je fais comme de rien, comme ça. C'est pas mal. Mais plus, c'est pas trop. Hein. Tous mes muscles sont tendus. Pas d'air qui passe. Ou comment les autres... Parce que ce qu'il faut, c'est rester plein. Continuer à fournir de l'intérieur. Et quand tu en sors de ce plein, quand tu le craches, il faut être sûr d'avoir de bonnes réserves. Parce que si tu n'as rien, ils entrent. Ils entrent et tu ne peux plus les arrêter. Il dit... C'est quoi cette boucle, marin? On ne met pas de boucle ici. C'est pour les pédés. Pédés, hein? Tu comprends? Tu aimes la queue, Perrin? Tu peux le dire, on est entre nous. sors avec elle. En quoi ça te regarde? Dis-le, tu sors avec elle, hein. Si tu sors pas avec elle, moi je sors avec elle. Pourquoi? Tu sortiras avec elle? Elle veut sortir avec toi? Elle veut sortir avec un mec. Les filles, ça a besoin d'un mec. Mais c'est toi qui te donne une fille. Tu sors pas avec elle? Je sors avec elle si je veux. Elle est bonne? Arrête, t'es dégueulasse. Vas-y, tu peux le dire, allez, elle est bonne? Moi je la trouve kiffante. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout avec un mec comme toi là? T'es toujours là devant ta console. Lui fout la paix. Ah vas-y, lâche ton truc, allez, on discute. T'as qu'à brancher sa copine. Sa copine? Oh, je la kiffe pas. C'est un mec. T'es trop. Ah, ouais. C'est un mec déguisé en fille, juré, elle te coupe les couilles à la première occasion. Cette meuf-là, les filles, elles montent leurs jambes, mec. Et les mecs, tu vois, ils montent leurs pecs. Ah, obligé, elles montrent ses pecs. On voit que ça, ses pecs. Les jambes, tu les vois, hein? Tu sais comment elles sont, ces jambes, hein? Même en suite, hein? Même avec des manches jambes. Ah putain, mec, tu vois ça, ses pecs. Je te dis, c'est un mec. La main passe doucement sur le corps encore humide et s'imprègne de chaque muscle, chaque nerf, elle dit. Tu as une belle peau, Marane. Profite de chaque frisson, chaque tressaillement du corps humide et peureux, elle dit. Tu as une belle peau, Marane. Frotte un peu plus fort, se tend les muscles, chaque muscle, les fait jouer doucement dans le creux de la main, elle dit. Tu as une belle peau, Marane. Masse plus ferme, se redresse d'un coup dans un souffle, la bouche empoigne, elle lèche, souffle tendu en arrière, se referme un peu, aspire, masse, enroule, plus fort jusqu'à ce que gicle d'un coup, dégouline d'un coup dans la gorge, la poitrine, elle dit. Tu as une belle peau, Marane. Tu rêves pas, toi? À quoi tu rêves? Des trucs. Mais quoi? Des trucs, rien, je sais pas. Mais vas-y, des trucs comment? Des trucs qui font rêver. Ouais, mais quoi? Je sais pas, je te dis. Tu rêves pas, en fait. Si. Mais alors, dis-le. Tu me lâches, tu vas pas te occuper. T'es toujours en train de te fighter, toi. Mais tu rêves de quoi, toi? Tu rêves de flingue? Des fois. Moi, je rêve jamais de flingue. T'as fait. Ça va, t'es ouf ou quoi? Les tapettes, elles ont peur des flingues. C'est ça ta discussion? Ouais. Oh bah vas-y, putain, et tais-toi avant qu'on s'engueule. La porte bouge. Frappe. Un mouvement. Derrière la porte, je crache. Occupé! Quoi, occupé, c'est qui? Elle dit. C'est rien, c'est moi. Maman, qu'est-ce que tu fous là? T'es avec qui? Explose la porte d'un coup de pied propulsé. À l'intérieur, bras écartés, jambes écartées, gueule ouverte, mâchoire large, une hyène, cul bas, jambes courtes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, maman? Elle dit. On s'en occupe, on l'a suivi, il pue. Putain, maman, mais c'est quoi ce bordel? Gueule, mâchoire large, trou béant sur la cuisine, large. Bouche ouverte, gueule, il sort. Les hommes sont des femmes. Les femmes sont des hommes. Oh, bon, parfois les hommes sont des femmes, mais enfin on dirait des hommes. Et elles font peur. Parfois les femmes sont des femmes, et on dirait des femmes. Et elles font peur, parce qu'on n'est plus sûr de rien. L'image ne dit pas tout. Parfois les hommes sont des hommes, mais on les prend pour des femmes. Et on leur fout sur leur gueule. Parfois les hommes sont des hommes, et on les prend pour des hommes, et on leur offre des crèmes, des lotions, pour rester tendres et doux. L'image dit tout. On ne veut plus de limites. On veut s'épanouir, nos limites, au-delà des frontières. On veut conquérir le monde. On veut un monde libre. On veut un monde libre où on peut casser des frontières. Pour se libérer. On veut disposer des frontières. Attaquer l'autre côté de la frontière. Détruire la frontière. La torpiller. Libérer, parce qu'on est libre, égaux, et que le monde est mon pays. On doit faire de nouvelles frontières pour mieux les détruire. C'est difficile de fabriquer de nouvelles frontières. Alors on se bat. Pour de nouveaux espaces. Pour de nouveaux ennemis. Mets de la peinture. C'est quoi ta tribu? Couvre une tribu. Mets un bandeau. Une plume de pigeon, mets-la dans le bandeau. On a attrapé un Indien. On a attrapé un Indien. What is your name? Tu réponds à qui t'es l'Indien? Ah, il parle pas notre langue. On l'a attaché à un poteau. Il en roule torture. Il va le payer, saleté d'Indien. Il fait mal. On est un gars, l'Indien, là. Tu parles même pas notre langue. M'attachez pas. Tu peux pas parler comme nous. Je parle comment? Parle africain. Je sais pas parler africain. C'est pas une langue. Mais parle ta langue. Bah, c'est la même que la tienne. On a qu'à dire qu'on ne comprend pas. Personne lui répond quand il parle. Déshabille-toi, l'Indien. On va te laver. On va te couper les cheveux. Déshabillez-le, les filles. Il comprend rien. Me touchez pas. Ah, oh, c'est pas les filles qui déshabillent. Je ne suis pas une fille. Nous, on tient les armes. Donnez-nous les armes et déshabillez-le vous-même. C'est pas comme ça, normalement. Bon, tu te déshabilles tout seul, l'Indien. Tu fais comme si tu te laves. Après, on te met en cow-boy. C'était donc la première des représentations, enfin, des lectures en espace de ces rencontres entre amateurs. Je vous en passerai d'autres ultérieurement. Or, il y avait aussi un débat qui a suivi, mais je n'aurai pas le temps de vous le passer ce soir. Il est temps déjà de nous séparer. Je vous rappelle le week-end consacré au château de Mosello, à Bussan, conférence demain à 20h30, à salle des fêtes, et balade dimanche à 14h, rendez-vous au parking de la source de la Moselle. Voilà, et puis bientôt aussi au Théâtre du Peuple, tumulte, le 13 octobre. Là, il y a encore des places, mais il faut se dépêcher. Voilà donc cette soirée, et je vous dis bonsoir, bonne nuit, et à bientôt. Bientôt, vive l'automne, et bien, vive cette belle saison qui commence. Arrivederci.